Retro Nouveau. Hey! Salut tout le monde, bienvenue à ce 102e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Oui! Yes! Oh. Colin, La toune de Metroid encore. Ah oui, hein? Ça commence vraiment dark. L'ambiance lugubre. C'est lugubre. Ça me plaît, j'aime ça. Ah oui, c'est écœurant, ça inspire le mystère. Ouais, hein? Parlant de mystère, Dominique, qui est cet homme à ta droite? Il y a un mystère ici présentement ce soir. Collectionner de patentes. Exact. On voulait apporter un petit changement au line-up officiel de Rétro Nouveau. Yep. On voulait comme réinjecter peut-être un petit peu plus de rétro, là, oui. Tu sais, rétro, collection, et puis vraiment quelqu'un qui peut me ressembler, là, tu sais, oui. dans le quotidien. Aussi beau, là. Dirais, ouais, non, mais on est... Essaye. Mettons, ta beauté tout, plus ma beauté, c'est comme vraiment... C'est une beauté pas pire. C'est une grosse beauté. Ça marche. Il y a de quoi qui se passe avec ça aussi. Fait que c'est ça, dans le fond. Donc, voici Fred Gémus. Yes. Oui. Également connu sous le nom d'un gars qui a un site qui s'appelle... d'une page Facebook qui s'appelle Retro Love. Yes, ouais, tout le monde pense que c'est mon surnom que je me donne sur Internet, Retro ouais. Love. Mais ouais. Tu sais, c'était comme le nom que j'avais trouvé pour la place. Exact. Mais ça a stické. Parce qu'habituellement, c'était LG Muzio. Tu sais, c'est comme toutes mes... OK. Tu sais, il n'y a personne, jamais nulle part, qui prend ça pour PSN, ces affaires-là. Ouais, ouais. Mais là, ça devrait être Retro Love. Ça a l'air, là, c'est juste celui-là qui stick. Parce que Retro Love, ça sonne un peu comme pas crooner, un peu porn 70. Ben écoute, tu as trouvé mon autre carrière, Bruno. C'est ton nom. Fait que c'est ça, dans le fond, moi et Fred, on se connaît très bien de par ben oui. la clique par la cassette. De l'or gris. L'or gris. Ben oui. La clique de l'or gris, dans le fond. Donc, l'or gris vous réunit. Exact. Donc, c'est Mario qui cède sa place à Fred. Oui. Et puis, on y va avec ça. Et puis, on va voir comment ça va aller. Là, certainement. Je pense que ça va me dynamiser un peu. Ça sent oui. trop next-gen, ce show-là. Oui, c'est ça. Ça sent trop next-gen. Ça parle trop de Switch, là. On va ramener ça un peu. Ben oui. Plus capable. Ah non, mais c'est ça. C'est bon de voir le brillant dans tes yeux. Ouais, c'est quand ça. Tu regardes Fred, moi, c'est tu m'as ça. Jamais regardé de même, Chris. Parce qu'il y a tous les futurs deals qu'il pourrait ouais, avoir. Ouais, exactement. Comme... Même tout à l'heure, il m'a vendu un jeu. Voici, il m'a donné un jeu. Ouais, là. C'est ça. J'ai vendu avec rien. Puis, on parlait d'or gris et de transactions. On est vraiment des resellers de marde. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais, on a quand même fait. On a une bonne tablée de revendeurs. Ouais, c'est ça. Là. On a une bonne. Ouais. un bon bord de table de resellers. Ben Fred aussi essaye pour il fait un full set comme moi, comme, oui. comme ben d'autres ben présentement oui. aussi. Puis on achève. Ben ouais, moi je m'en vais sur. Techniquement, je vais tomber à 10 cette semaine. Oh, si, ah ouais, tiens. C'est bon. On ça. Essaie de régler ça. D'ailleurs, ça se peut que tu nous aides à régler ça. Je te l'annonce à soir. Ah ouais? Ouais, ben en qu'est-ce fait. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas peut-être ramasser le paquet. Ah ben? Tu vas peut-être ramasser le paquet de quelqu'un. Mais, il y a non, des non, conditions pour acheter un certain jeu. Ah ouais, tiens. Ouais, faut que je te pogne un jeu. Là, tu me pognes la cassette. Puis c'est drôle parce que j'ai amené mon top loader ici, modèle RGB. Puis il faut que je le ramène pour y vendre à lui. Ah là, ben il m'a dit, hey, si tu vois Fred Gémus, tu lui donneras un jeu. Je suis comme, les astres. Les astres des cassettes. C'est comme hey, pour régler ça tout de suite, là, on dit Fred Gémus ou Fred Gému? Ben moi, mon gars que je faisais toujours au secondaire. Ouais, vas-y. Tu sais, je dis, j'étais toujours au prof, les suppléances pour les terroriser un petit peu. C'est, on dit-tu Anu ou Anus? Puis c'est... C'est comme ça marche, ça. C'est comme quand t'as un enfant et que tu peux dire un mauvais mot. Ben oui, exact. C'est ça, tu dis. Mais moi, j'ai dit Gému pendant longtemps, mais là, c'est Gému. Ben oui. Ça a l'air. Ouais, mais c'est comme Jean-François. Des fois, je l'appelle Cron, des fois, je l'appelle Cron. Ouais, mais ça, c'est non négociable. Faut que tu le dises, le P, quand même. Faut qu'on le dise. Mais je t'ai appelé Cron pendant des années. Cron, c'est arrivé souvent, là. Je l'ai bloqué à cette heure. Il y a tellement de façons de le prononcer que je m'en fais plus avec ça. C'est ça, tu y penses plus. Il y a un problème dans la vie que mon nom de famille. On te parle, tu voyais des chiffres, des codes. La matrice. Bien sûr. Ah oui. Fait que c'est ça, donc bienvenue yes. Fred. Bienvenue ben, Fred. Ça fait super puis, plaisir d'être ici, c'est comme si je vivrais un futur rêve. Ouais. C'est génial. Ah, tu vas voir demain matin quand tu vas chier des Doritos. Tu vas te dire, ça en valait peut-être pas. Là. Ouais, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? Je les regarde depuis tantôt, là, puis je me rappelle la soirée de samedi soir, puis je suis comme... Ah ben, justement, je voulais aller... Bon segway. Ouais, c'est un bon segway, parce que je voulais faire un petit retour. Arcade Montréal a eu un an ce samedi. Ben ouais. Yes. Et puis, on était défoncés que le Christ là-bas. C'est ça. On ne peut pas s'en rappeler un peu, mais... Ah oui. avec les deux champions de Donkey Kong mondiaux. Ouais. Il n'y a pas eu de records qui se sont battus. Quand même, les gars, ils ont fait des records figures dans le top 10. C'est là, ça. Ouais, s'ils n'étaient pas déjà 1 et 2, il aurait été dans le top 10 avec ça. Donc, des grosses runs. Fait que, non, c'était bien le fun. Et puis, c'était, tu sais, c'est pas un événement. Le bar était plus plein à Mario Kart là, le vendredi. Ouais. Il ouais, y a pas une culture d'arcade là qui a le monde. Oh my God, tu sais, c'est pas Marimé là, tu sais, c'est. Non, les c'est joueurs ça. De Donkey Kong. Il aurait fallu que Marimé joue à Donkey Kong. C'est ça aurait été. Mais en même temps, c'était hypnotisant cette affaire-là. Parce que tu sais, c'est comme, t'es habitué de voir des fois des tournois de jeux vidéo comme Street Fighter où les gars ils te font des affaires pas possibles, genre ouais. des écrans qui flashent puis des gros sprites de partout. Puis c'est là, d'un coup, tu regardes du monde jouer à Donkey Kong, mais c'est vraiment stratégique. Ils prennent leur temps, ils se positionnent et tout. Tu sais, Mané, j'ai regardé ça avec petit Joe Miette, puis après 10 minutes, on était là. C'est spécial. Hey, mais c'est super compliqué pour eux autres. Là, ouais. Parce que des paliers, quand tu es rendu au niveau 20, tu es supposé avoir fait autant de points. Sinon, ça peut cochonner ta run quand tu vas être rendu au kill screen. Et puis, faut pas que tu t'oublies de faire ci et de faire ça. Les gars, ils ont l'air de rien, mais ils jouent avec des écouteurs et tout. Puis, ils sont super nerveux. T'sais. Exact. Wes, il a joué pendant 7 heures straight là, samedi. Ah, ben ouais. Puis, 7 heures. Il avait mal. Là, il dit, man, c'est tough. Tu as offert une canette, quelque chose ou... ben, on leur a payé la bouffe. Ouais, mais peux-tu aller aux toilettes? Ah, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Là. Non, mais. Il est pas resté 7 heures straight sur son banc. Non, ben, deux games, dans le fond. OK. Il doit être allé puissante, les deux. Ah, c'est ça, parce que la ride à Old Archer, t'as besoin de ta petite canette. Ah, ouais, c'est clair. On s'en souviendra tous. Fait que merci à tout le monde. Il y en a beaucoup qui écoutent le show et puis qui sont allés faire un tour. Et puis, je tiens à tous vous saluer et vous remercier. J'ai parlé à plusieurs d'entre vous au cours de cette année. Donc, ça me fait toujours très plaisir de me parler. D'ailleurs, excuse, j'ai oublié ton nom. Il y en a un qui est venu me parler il y a une semaine ou deux. Et puis, il m'a déjà croisé sur la promenade Ontario, tu sais. Il a pas osé me parler là, pour pas me déranger. C'est la promenade en plus, c'est dangereux ce place-là. Ouais, c'est un gars, très vite, je vais le raconter, c'est un gars qui travaille pour... Il fallait qu'il travaille sur le canal... Canal de la Chine, mais un autre en tout cas, où est-ce que l'eau elle s'en va direct dans une station de filtration, ouais. pour qu'on boive cette eau-là. Puis il a trouvé un cadavre. Ça serait le fun de savoir quelle donc, station. Là. Non, mais t'as bu l'eau de ce cadavre-là il y a longtemps déjà. Bon, ben c'est pas rien ne se perd, rien ne se crée. Exactement. T'sais, à une place où est-ce que t'es pas supposé, il y avait un cadavre-là. C'était une aventure très, très intéressante. Aïe, aïe. Donc, je te resalue. Et puis, bravo pour ton courage. Oui, c'est ça, tu sais. Aïe, aïe. Yeah. T'sais, tu vas à l'arcade? Ah, ouais, moi, je viens de ramasser un cadavre. Ah! Parce que c'était quand même une parenthèse qui coupe l'appétit. Ouais, non, ouais vraiment. Hein? Je pense à mon dernier mois, là, toutes les fois que j'étais désaltéré, puis je regrette un peu. Ouais, ouais. L'eau en bouteille à 3$, là, je la comprends. Ouais. Moi, c'est ça. Moi, je dis tout le temps, l'eau du robinet, faut filtrer ça. Je comprends pourquoi maintenant. Ah, je la trouve bonne, moi, je sais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai la gastro à tout bouchon. Ouais. T'es mort encore. J'en bois plein. Je trouve bonne l'eau de Montréal. Meilleure que l'eau de la rive sud. Je trouve qu'elle goûte la terre, l'eau ici. À Saint-Hubert, l'eau, elle goûte la terre, man. Pas c'est dégueulasse. Longueuil, ça goûte le chimique. Ouais, c'est ça. J'aime ça, moi, une eau bonne eau chimifiée. C'est reconnu pour ça. Non, pour vrai, moi, je le remarque pas, là, parce que je suis habitué probablement ici. Ouais, c'est ça. Mais bon, tant que ça goûte pas le chimique. Et monsieur. Fait que je voulais continuer à parler encore, parce que j'ai bien des choses à dire. Vas-y. J'ai acheté au King de Saint-Eustache pendant cette soirée bien arrosée. Yes. Ouais. Une rétro AVS. Oh! Ça, oh ouais, wow. C'est fait par rétro USB. Ouais. C'est ça, ouais. C'est eux aussi qui font le superbe Power Pack, qui est tout comme un Everdrive, là, dans le fond, de NES. Ouais, première, ouais. Fait que c'est pas mal. Ils font de la bonne job. Puis ça, c'est comme un petit Nintendo en forme... Trapèze. C'est un trapèze, carrément. C'est vraiment ça. Puis ça se branche HDMI, puis ça lit tous les jeux NES. J'ai essayé la cassette rouge, ça marche, ça joue le Famicom. Il y a un Game Genie intégré. Il y a un Leader's Board que tu peux aller sur Internet, puis tu sais, comme... Wow! T'as mesuré aux autres à des jeux de NES. OK. T'as des options là, de scanlines. Fait es-tu genre Wi-Fi ou comment ça communique avec Internet? C'est pas par clé USB, je pense que tu l'updates ou en affaire dans le même. Ouais, je l'ai même pas essayé. Okay. Là. Je sais que c'est là, mais... C'est une bonne machine, par exemple. Ça. Ben écoute, pour ceux qui envisageaient peut-être un jour mettre 600$ puis s'acheter une analogue NT, ouais. Ça, c'est comme l'ultime, là. Okay. Ben, la Retro AVS, a fait exactement la même chose. Elle coûte combien? Pour 140 US. Oh, quand même. Plus non, le shipping, ça, tout ça, c'est bon? Une machine à 250. C'est le shipping qui fait mal, ouais, avec la douane et tout. Ouais. Mais tu sais, le truc, c'est que tu trouves quelqu'un qui en a une ici et qui veut s'en départir. Exactement. Ça, il y en avait deux. Puis c'est ça. Mais elle pouvait aller sur le site de Retro USB et en acheter en tout temps. Puis, la différence, moi, j'ai aussi une NES, c'est pour ça que je voulais en parler à soir, j'ai aussi une NES mini hackée, oui. Comme on utilise ici. Mm. Puis, il y a un délai, tu sais. Ouais. C'est un émulateur là-dedans. Tandis que quand je joue avec ça sur ma grosse télé, c'est du 1:1. Ouais, ouais. Enfin, c'est fantastique. Ouais, ben l'effet, le feeling que je recherchais, je l'ai. Puis là, toi, tu joues sur une TV HD ou une vieille cathodique? Je peux pas, c'est HDMI. C'est okay. Je joue sur ma grosse télé 40 pouces. Là, okay. Puis c'est le pixel est très beau. Là. Ah, c'est génial, c'est propre. Il n'y a aucun blurry, ni rien. Non, mais puis les contrôles, tu peux jouer, tu peux finir Ninja Gaiden. Là. C'est du 1:1. Tu joues un contrat, tu meurs pas. C'est pas de l'émulation, par exemple, là-dessus. C'est ça. C'est que ben je sais pas la rétro avait la Analog NT en gros ce qu'il expliquait c'est qu'il avait mis la main sur je pense une grosse cargaison de Nintendo en tout cas c'était vraiment du vrai hardware c'était pas d'émulation okay. Le rétro AVS ça a l'air que c'est du moi de ce que j'ai compris avec mon cerveau de designer habituel c'est que c'est en fait c'est qu'on reverse engineering un peu la patente puis on refait vraiment comme du hardware aussi de leur bord fait que t'sais, c'est pas comme l'émulation avec les problèmes qui viennent ouais, c'est ça hein? Ça roule tout comme si c'était une bonne vieille Nintendo exact là. Wow HD puis pour 200$ ah non c'est l'ultime machine pour jouer au NES sérieux hein. Si, moi je suis vendu bien raide okay. Puis même que je vais enlever ma NES Mini je vais remettre ça recrisser ça dans sa boîte puis je garde ça dans mon salon là. Ça wow c'est... Le NES Mini, oublie ça, il y a un lag. Là, ouais, non, il y a un lag. Ouais. Aussi petit soit-il, là, ça te fait tomber dans le trou. Là, oublie ça, là, ça marche pas. Fait que ça fait un job là, pour les casuals. Là. Ouais. Ben, tu sais, quand t'es des professionnels, là, quand t'en manques pas beaucoup, tu veux pouvoir avoir le luxe de pas tomber dans le trou. Ben, du moins, tomber dans le trou à cause de tes skills. Quand t'as des performances à livrer avec toi-même. Ben, de toute façon, le monde qui s'achète du next-gen aussi, il dépense. Des gros montants quand même, là, tu sais, comme une console next-gen, c'est un 400$ facile. Ben oui, absolument. Fait que tu sais. Puis les jeux next-gen, il y a un jeu qui sort, c'est cher. Là, ah ouais, c'est 90$. Le rétro aussi, ça coûte cher. Ouais, exact. Ben c'est drôle ça parce que pour le monde, justement, souvent les casuals, au moins les gens qui commencent à collectionner un peu comme nous, tu sais, nous on est habitués, ça fait longtemps qu'on fait ça, fait que tu sais, on est habitués de ramasser des jeux à 5$, mais c'est souvent les nouveaux collectionneurs, eux autres, là. Ah, ils l'ont Mario pas facile. Bros, à 40$, ça les dérange pas. Ils sont habitués d'aller au magasin et payer 80-90$. Nous autres, on est comme, t'as un peu gros minute, là, tu te fais avoir, t'as payé 5$ trop cher. C'est clair. C'est comme. Ah c'est non, c'est sûr. C'est pas le. C'est comme nous, c'est ça. Je pense qu'on est des vieux cheap, dans le fond. C'est ça, je pense. Ouais, mais on sait aussi qu'on peut trouver des affaires, tu sais, sans trop. Qu'on peut avoir des bons deals. Là, ouais. C'est ça. Ouais. On sait ce que ça vaut aussi. On sait ce que ça vaut. On a un réseau, tu sais, on a des contacts. Fait que pourquoi j'achèterais ça full price au magasin? Mais non, à un moment donné, un des chummies va me le spotter, tu sais. Exact. Fait que c'est ça. Donc, la Retro AVS, mesdames et messieurs, allez voir ça sur le site de Retro USB. Fait que une Retro AVS avec un Power Pack fait les deux ensemble, tu sais, t'as tout le Nintendo existant au monde. Eh oui. HDMI, pas de lag, top notch. Mm. C'est l'ultime. Wow. Yes. Ça a l'air malade. Puis ce soir, vous avez remarqué qu'il manque quelqu'un ici présent à côté de GF. D'habitude, il est supposé d'avoir. Le très magnifique Nicolas Lachapelle. Ouais, c'est moins propre à soir. Hein? Ouais, ça manque de polo. Puis ouais, ça manque de ça polo. Manque de, puis de Lacoste. Ouais, ouais, ouais. Ça manque de Lacoste. Puis de parfum Swiss Army. Ça ne choque pas ça. Anyway, on sent rien avec l'odeur des Doritos. ouais. Non, Nick, il est dans le sud en train de se faire bronzer. Fait que même si on dit Nick, on te salue, il nous écoutera pas. Il est en train de se faire bronzer. Probablement pacté solide présentement. Ah, je sais pas, hein, ils sont avec les deux enfants. Bah, on a peut-être raison de plus. Ça se couche à un moment donné. Ouais, ça, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Bref, Nick en profite et il va être avec nous au prochain épisode. Puis c'est ça, on a fait un pre-show aussi pour. À savoir les Patreons qui aident Rétro Nouveau à devenir meilleur en meilleur. Eh bien, ils ont droit à un pre-show qui est en fait. Un show exclusif avant de faire Rétro Nouveau live. On fait un 45 minutes, 1 heure avant le show. Fait que vous avez le droit aux coulisses de Rétro Nouveau si on veut quand même. On arrive, on se set up. Ça paye russe en tête aussi. Un peu. Vos coulisses de... pour les coulisses de trombone, pour tout barnac de flûte. Mais c'est ça, on joue à des jeux vidéo, on a du fun, on boit de la bière, puis on raconte des affaires ridicules. On livre des secrets. Des fois, on sort un peu du jeu vidéo. Ah ouais, des fois, on sort du jeu vidéo, on répond à vos questions. Les gens qui nous posent des questions, on répond aux questions. C'est tout le temps bien le fun de parler avec vous autres. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit show bien intéressant. Un plus pour les gens qui veulent plus de rétro nouveau. Donc c'est ça. Et merci encore à tous les Patreons, yes, à tous les gens qui nous aident sérieusement. Ça fait une différence énorme. On vous le dit tout le temps, mais c'est vrai. Ce soir, on a un peu plus d'éclairage. On est en train d'améliorer l'éclairage. On est en train d'améliorer le son, la console, tout le kit, le montage. Jeff veut s'acheter des nouvelles machines là, pour faire des let's play de fou malade. Ben, c'est pas mal déjà le cas. Là. C'est... Ouais. Ouais, frame maintenant, master. On va pouvoir... Ah, le Frame Master, ben ça, éventuellement, une couple de mois, on va accumuler pour pouvoir l'acheter. Ça, là, on a le top, top notch. Là. Non, les gens capotent dans le chat parce que ça dit qu'il y a un esprit qui a ouvert la porte du studio. Non, il y a un chat qui a rentré. Oui, absolument, moi-même. Parce que le studio, c'est dans la toilette du chat, quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Dans la toilette du chat. Le chat, il vient chier pendant le show. Là, je sais, il y a comme une multitude de likes qui passent pendant qu'on parle de ça. Merci à tout le monde sur Facebook Live. Yes. Fait que c'est ça, fait qu'on va partir ça en critique, puis c'est Dom qui va commencer ça à soir. Yes, sir! Oui, monsieur! T'es-tu prêt, Jean-François? Toujours prêt. Bon, ouais, fantastique. Fait que, je vais parler de Blaster Master Zero. Yes! J'avais donc bien hâte de jouer à ça. Hein. Moi, j'ai pas de Switch, parce que je suis pauvre. Fait que j'ai joué comme un paysan. C'est le gars qui s'achète des cassettes de NES à 200. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas les mêmes priorités. Non, non, ouais, Chris. Fait que j'ai joué comme un paysan à 3DS. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça. Yes. Tout d'abord, c'est fait par Inti Creates. On connaît ces valeureux combattants pour des jeux de la série Mega Man. Oui. Mega Man Zero et puis ZX, que j'ai pas joué par exemple. Ils ont fait le 9 puis le 10. C'est très bon. Ah, c'était bon ça. C'était ouais, c'était gros, bon. Ouais, hein. ODS, hein. Ben, ODS, puis. Mais il l'avait pas aussi sur GBA ou ouais, c'était. Ouais, ouais hein. C'est ça. C'est, que, ouais, comme, c'est la même équipe qui a contrôlé une coupe, là, c'est ça. Ils ont Azure Striker Gunvolt, ouais, qui est genre crissement meilleur que Mighty No. 9, sur quoi ils ont travaillé aussi. Et puis, il a les derniers Shantae. Et puis, il travaille sur Bloodstained aussi, ouais, présentement, ouais, le prochain Castlevania. Fait que, tu sais, quand même. Crissement dans ma zone. Oh, oui, vraiment, ouais, là. Et puis, donc, c'est ça. Puis, bien sûr, Blaster Master, ça appartient à Sunsoft. Puis, c'est écrit Sunsoft, tu sais, quand ça pop. Mais j'étais comme, OK, qui, quoi? Puis, j'ai fini le jeu. Puis, pendant le générique, à la fin, il y a juste comme deux personnes de Sunsoft. Fait que, je sais pas si c'est le chum puis la blonde à qui ça appartient. Puis, tu sais, ils ont comme. C'est un copyright, là, ça leur appartient. C'est ça, ça a pas été vendu, me semble, Sunsoft à Konami, quelque chose comme ça. Là, j'ai ouvert une porte. Pas toutes, là, je pense. Mais en tout cas, le copyright de Blaster Master. Blaster Master appartient à Sunsoft encore. Bon. Quand que, même. Ça, c'était, je trouvais ça le fun. Tu sais, oui. Ils ont approuvé ça. Puis, bon, écoute, c'est comme un. Ça reprend le premier au NES. Oui. Et puis, ça rajoute là, une grosse couche de crémage par-dessus. Vraiment. Hein? Et puis, ça change. Il y a autant de niveaux. Il y a des boss qui reviennent. C'est encore le Sophia 3, dans le fond, qu'on voit en 2D de même. Mais c'est Jason encore avec sa grenouille Fred. Ouais, exact. La grenouille, ouais, il y a la grenouille Fred. Toujours des rôles de qualité, les Fred. C'est clair. Et puis, le premier niveau, il est très pareil qu'au premier Blaster Master. Puis tout de suite, sur le deuxième, là, ça va ailleurs. T'sais. Exact. Il y a un peu les mêmes chemins entre les mondes. Il y a 8 mondes. Oui. Il faut que tu ailles dans un monde, puis après ça, tu reviens dans le premier parce que tu as pogné une nouvelle arme qui te permet d'aller à une autre place, tout ça. C'est un peu genre Metroidvania. Là. Mais c'est plus facile parce qu'ils te disent à peu près où aller quand tu ouvres ta map. Quand ben, il y a une map. Ils te donnent une idée. Au NES, il n'y a pas de map. Ah, ouais. Ça, c'était très apprécié. Là. Puis les niveaux sont beaucoup... Tu sais, ils te forcent à faire toutes les petites caves là, pour aller ramasser des power-ups et puis des armes spéciales. Ouais. Parce qu'au NES, tu n'es pas obligé. Là. Tu peux aller faire le boss direct. C'est le boss qui te donne une arme de plus puis tu crisses ton camp au plus vite. T'sais, tu battes les niveaux un par un. Tandis mais que moi, là, c'est ça que j'ai aimé. Lui, on dirait qu'il était pas qu'il te force. T'en rends pas vraiment compte. T'es pas forcé, mais tu veux le faire. Tu veux le faire. Je vais pogner des belles armes. C'est ça. Et puis, c'est ça qui est le fun aussi dans ce jeu-là. Il y a des crises de belles armes. Et puis, pas juste Sophia. Sophia, il y en a juste 3 armes au NES. Ouais. Et puis là-dedans, il y en a une dizaine, je pense, que tu peux swapper là, pendant que tu joues avec le L. Exact. Dépendant de ton énergie, en fait. Ouais, c'est ça, parce que tu as une gauge, dans le fond. Tu n'as pas un nombre, tu as une gauge qui descend quand tu utilises tes missiles, mettons, ça descend, tout ça. Donc, puis Jason aussi, parce que pour ceux qui connaissent pas la série, tu fais pas juste te promener en petit truck, tu rentres dans des cavernes, des portes. Ouais, c'est ça. Et là, tu as une vue top-down. dans un genre de labyrinthe. Là, exact. Puis, un peu lui, à la Zelda. Totalement. Oh, oui. Puis il y avait juste 2 armes dans le temps, puis à cette heure, il y en a une dizaine de guns. Beaucoup, là. Et puis il y a 6-7 sortes de grenades aussi. Donc c'est très large. Et puis. Ouais, puis dans l'histoire, t'as tout le temps une fille qui communique avec toi. Tu ramasses une fille à un moment donné. Ouais. L'histoire est beaucoup plus développée aussi qu'au NES. Ouais. Tu sais, la fille, elle t'explique qu'il y a des mutants. C'est les mutants qui sont après scrapper la planète. Et puis, dans le fond, les mutants se promènent de planète en planète pour scraper toutes les planètes. Puis, il y a Sophie. Elle est représentante un peu d'une certaine force qui veulent buter ces mutants-là. C'est elle qui apporte Sophia, c'est le nom du tank, Sophia 3. Et puis, bon, là, tu te mets à l'aimer puis tout. Puis, il y a 2 fins à ce jeu-là, tu sais. Moi, j'ai fait la mauvaise fin parce qu'il me manque un life-up quelque part, puis j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il est. Fait que j'ai la mauvaise fin que la fille, elle se tue avec le tank pour sauver ça tombe plus deep qu'au NES, là. Ah ouais, c'est deep, mais tu le sais pas parce que toi, t'es ça à terre, tu regardes au ciel, tu dis, je me demande qu'est-ce qu'elle fait. Là, je veux juste ma grenouille, moi. T'es avec ta grenouille. Ouais, c'est ça. Puis sinon, la bonne fin, j'imagine qu'elle est heureuse puis vous avez des bébés. Mais c'est pas possible parce qu'en fait, elle est un robot. Puis même ta grenouille est un robot. La grenouille est comme un émetteur, tu sais, un truc pour t'attirer vers le tank, pour te guider. Fait que tout ça a été... Tu sais, il y a des scénarios. T'es fléché out, là. Ça a été pas mal développé par rapport au... Pas mal, mais ça fait pas chier non plus. Des petits dialogues et puis... ça, c'était bien plaisant. Il y a un mode 2 joueurs, JF. Peux-tu m'éclairer avec ça? Ça Switch, il y a un mode 2 joueurs. Ouais, sur la Switch, il y a un mode multijoueur. C'est un peu comme Mario Galaxy, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a une mire dans l'écran qui va aller viser les ennemis, puis l'autre va contrôler le truck et le petit bonhomme dedans le truck. Ouais. Hey, ça doit être tough en hostie. Ben, en fait, je m'attendais, moi, à voir quelqu'un qui contrôle le personnage, puis l'autre qui contrôle le truck, puis ça aurait été mieux, je pense, mais c'est pas cool. Si tu peux jamais les deux en même temps. Non, pendant que t'es en mode truck, tu peux sortir, mais t'es minuscule dans l'écran, puis t'es full vulnérable. Ouais, mais peut-être aussi que ça va changer à l'avenir, parce que c'est ça, il y a le DLC de la fille qui va pouvoir être jouable, qui s'en vient. On l'a vu un peu. On l'a vu dans le trailer. Fait que, tu sais, peut-être que ça va changer quelque chose, mais... Peut-être. Ah, d'ailleurs, on a regardé présentement à l'écran. Ça, c'est la grosse vague qu'on vient de voir. T'sais. Ils ont rajouté beaucoup de stock. On l'a vu top-down, de la lave. Pas de la lave, mais des raz-de-marée comme ça, des zones de poison. C'est des plateformes. Ils ont boosté ça beaucoup. D'ailleurs, il y a un jeu de Game Boy qui s'appelle Blaster Master Boy. Ouais. C'est juste un jeu complètement top-down comme avec des grenades, puis genre Bomberman, là, tu mets des bombes à terre. Oh, ouais. Donc, le top-down de Blaster Master, quand Sunsoft on sorti ça, ça les a inspirés. Puis après ça, ils en ont fait une coupe. Ils ont fait Fester's Quest, Gremlins 2. Ils ont dit, Chris, le top-down a bien marché à Blaster Master. On part avec ça, puis on en fait une coupe. Okay. Donc, puis il y a eu Fester Quest. Puis c'est ça, Fester's Quest. Un peu raté. C'est ça aussi, il y a des sons dans Blaster Master qui sont les mêmes qu'au NES. C'est trippant. Là. Ah, ça va chercher le petit côté viscéral. Quand t'explose, c'est le même son, tu sais. Mais je trouve ça hot parce que en parallèle, j'ai rejoué à la version NES, tu sais, pour voir c'était quoi les similitudes. Puis c'est fou parce que tu te reconnais, genre tu joues au premier, genre le premier niveau, puis tu joues au premier niveau dans Zero. Ouais. Puis crime, tout est là, c'est les mêmes ennemis, mais sont juste comme upgradés, ils ont plus de textures et tout ça. Exact. Mais c'est la même palette de couleurs, t'as les mêmes Est-ce personnages. Est-ce que c'est la même toune? C'est des mêmes tunes remixées un peu. Ça m'a déçu un peu, par exemple, remixer trop, qui fait que des fois j'étais parce qu'il me semble que la chanson au thème du premier niveau, c'est comme celle-là ça la prend quand tu commences direct dans le bain là c'est du 1-1 c'est ça qu'il faut puis suite après là c'est ailleurs, mais là. C'est ça, on dirait qu'ils partent ensemble les deux jeux pour tu te sens chez toi puis t'es bien, c'est réconfortant, puis après ça ça prend deux chemins différents. Exact. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé, en tout cas. J'ai aimé. Ça améliore sur une bonne base. Ça me donne plein de nostalgie. Puis après ça, j'aimais ça qui m'amène ailleurs. T'sais. Puis c'était bien fait tout ce temps-là. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui était très différent. Il y a des boss de niveau qui sont pas nécessairement dans des cavernes, qui sont direct à battre avec Sophia. T'sais. Fait que c'est ça. Un jeu est un peu trop facile, là. Ouais. Sérieux. Ouais, c'est là, pas la même, la même difficulté qu'au NES où est-ce que tu n'aurais pas le choix de passer un après-midi à sacrer. Il y a des save states. Là, il me semble qu'il n'y a pas de niveau de difficulté quand tu commences ta partie. C'est tu start, tu fais le jeu. Ça me plaît, par exemple. Ouais. Tu sais, j'aime ça, moi. Comme ça, c'est le jeu, sa difficulté. Et celle-là, si tu réussis à battre ça, ben bravo. C'est le jeu qu'on a livré. Moi j'aime ça. Oh, oui. Mais c'est ça, le jeu n'est pas dur. Il y a des points de save. Là. Tu saves à plein de places dans le jeu. C'est super pratique. Puis, mais il y a bien du monde, tu sais, qui disent que ce jeu-là, c'était un petit buffer pour se reposer entre deux sessions de Zelda. Là. Ouais. Ouais, non, puis, c'est carrément ça. C'est un petit feel-good game qui est super bien fait, qui va laisser personne indifférent. Tout le monde est comme Chris, j'ai du plaisir avec ça. Et il est vraiment bon, il est super réussi. Il aurait pu se planter solide avec un jeu de même. Ben, là. J'avais peur, tu sais, parce que toi, t'avais pas aimé Overdrive. Je l'ai moins aimé. Je ne sais pas trop si c'était un jeu de marge. Moi, je l'ai trouvé correct. C'était pas incroyable. Je vais arrêter au deuxième, au Sega Genesis. Je ne l'ai pas essayé. C'est-tu bon, ça? C'est pas très bon. Non c'est vraiment juste... T'es fait juste Sophia, puis le contrôle est vraiment pas bon. La musique, le petit côté cacane du Genesis, vraiment irritant. Ça gratte. C'est comme les Strider au Genesis, c'est tellement pas fluide. Gros ralentissement, tu sais. Puis il y en a un au PS1 aussi, en 3D. Ouais. Sophia se promène en 3D. Exactement. J'ai jamais joué à ça. Ok, ça, j'ai jamais joué à ça. C'est bon. Mais je pense que c'est Metal Jesus qui a donné... Exactement, il a lancé Eden Gem, ouais, c'est ça. Ben, pas de quoi écrire à sa mère, comme on dit. Ouais, un petit 10$ investi dans un jeu comme ça qui procure pour plein de dollars de plaisir, ça vaut toujours la peine. Ça vaut la peine, certain. Fait que, écoute, je recommande ça absolument à tout le monde. Et puis, faites l'expérience de Blaster Master avec cet excellent produit. Ceux qui n'ont jamais joué à la franchise, c'est parfait. Je donne un beau 8/10 à ce jeu-là. J'ai enlevé des points un peu parce que, justement, il est un petit peu trop facile. Quoique, ça se corse quand même vers la fin. Là. Ouais. Tu vas mourir plus. À un moment donné, je me suis dit, Chris, je mourrai jamais. Mais à la fin, je mourrais. Fait que c'est ça. Excellent. Génial. Yes. Ouais, j'ai adoré aussi. Je pense que j'aurais donné la même note. Mm. Moi, je vais y aller avec un autre jeu. C'est une compilation. Oui. Puis je me suis amené des notes parce que ça va être très précis à soir, ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler de Kingdom Hearts HD 1.5 plus 2.5 Remix. T'es en train de faire tes impôts, toi, là? Ouais, c'est ça. Développé et publié par Square Enix. C'est disponible sur PS4 seulement. Ce que c'est, en fait, Kingdom Hearts, si vous avez jamais joué à ça, c'est une série qui existe quand même depuis longtemps. Ça existe depuis 2002. Puis c'est ça, c'est un action RPG qui mélange des personnages de Disney. Puis aussi, il y a des caméos de personnages de l'univers de Final Fantasy. Puis aussi, évidemment, un univers qui est dédié à Kingdom Hearts. Donc, notre héros principal s'appelle Sora. Puis Sora, dans le premier jeu, il est sur une île déserte avec ses amis. Puis ils sont là, puis ils s'ennuient, puis ils se disent « Je suis sûr que l'aventure se retrouve au loin. » Puis il veut aller à l'aventure. Lui, il est en sécurité sur son île, mais il veut sacrer son camp. Ouais, c'est très Disney comme histoire. C'est très Disney comme histoire. Puis à un moment donné, finalement, il apprend que c'est lui l'élu. Il se fait emmener par une tornade, puis il va avoir le pouvoir du Keyblade. Le Keyblade, c'est une épée en forme de clé. Elle est fun, cette épée-là. Ouais, vraiment cool, était-tu cette épée-là. Dans notre top des meilleures épées. Oui, dans le il me semble qu'elle était là. Ouais, on avait fait ça il y a je des suis années. Un gros fan de Kingdom Hearts. Puis c'est ça, bref, ça, c'est Sora, justement, qu'on voit à l'écran et on voit qu'il est avec Donald et Dingo. Puis Mickey Mouse là-dedans, si vous avez jamais joué au jeu, a un rôle très important, mais c'est pas le rôle d'un personnage qui est à vos côtés durant le premier jeu. Bref, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans ce package-là parce que c'est un gros package. C'est un package qui a 6 expériences. Expériences, je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il y a Kingdom Hearts 1 Final Mix. Ça, c'est le premier jeu qui est sorti en 2002 sur PS2. Puis c'est ça, il y a des petits problèmes de caméra dans ce jeu-là quand même qui ont toujours été là, mais là maintenant on peut contrôler la caméra un petit peu mieux. Le platforming n'était pas à son meilleur, c'était les débuts quand même des jeux dans le genre. Puis c'est ça, tu sais, pour vous donner une idée là, les genres d'endroits où on se promène, parce qu'on se promène dans des mondes dans Kingdom Hearts. Là-dedans, entre autres, il y a Alice au Pays des Merveilles, Pinocchio, Winnie l'Ourson, Hercule, La Petite Sirène, Nightmare Before Christmas, Tarzan, Aladdin, Peter Pan, Le Roi Lion, Bambi, Dumbo, La Belle au Bois Dormant. Bref, ça passe Tron. Par... Ouais, ouais, Tron. Tron est là. Tron est là dans le deuxième jeu. Tron est là. Rétro, là. Fait que c'est ça. Fait que au départ, t'as Kingdom Hearts 1 Final Mix. À noter, d'ailleurs, ça, je vais vous le dire en premier, dans le fond, ce jeu-là, c'est un port d'une version PS3. Puis la version PS3, il y avait quelques problèmes qui se retrouvaient. Des problèmes de framerate, problèmes de caméra. Bref, c'était pas super fluide quand même comme collection. Puis là, c'est du 60 frames par seconde. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. Il y avait encore des problèmes de glitch puis des petits problèmes avant la sortie du jeu, mais il y a eu un patch qui est sorti la première journée qui a réglé tous ces problèmes-là. Ah, c'est bon, ça. Donc ça, je suis vraiment content parce que disons qu'avant que le patch sorte, je n'étais pas sûr ben, que surtout, ça serait si bon. Pour un espèce de jeu finalement remastery qui est supposé être meilleur, puis tu arrives sur une console qui fait à peu près 10 fois la console originale, tu t'attends ouais, à c'est ce ça. Que... Ça fait pas de sens. Puis aussi sur la version PS3, il y avait les temps de chargement étaient vraiment ouais. longs. Puis des fois, c'était vraiment pénible. Il y a aussi des moments où ton personnage change d'état parce qu'il frappe un bonhomme, puis il frappe comme un critical hit. Puis là, ça ralentit l'image, mais là, ça la ralentissait trop sur PS3, ce qui faisait que tu pouvais te faire frapper par d'autres ennemis. Bref, des petits trucs comme ça qui ont été réglés. Donc, c'est ça. Là, je disais, il y a Kingdom Hearts 1. Après ça, il y a Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Chain of Memories, c'est un jeu de 2004 sur Game Boy Advance qui a été refait en 2007 sur PS2. Wow. Puis c'est ça, c'est la suite de Kingdom Hearts 1. On utilise un système de cartes pour le combat, mais c'est essentiellement un recyclage du premier jeu. Moi, j'avais aimé ça quand c'était sorti à l'époque, mais j'avoue que c'est pas le jeu... c'est pas ton premier jeu. C'est pas le jeu, killer rap, là. C'est ça, c'est pas le killer rap parce que c'est un peu du recyclage. Ça se retrouve à peu près dans le même univers. Il y a certains nouveaux personnages, mais c'est pas un bon premier jeu pour commencer. Cela dit, quand même, il est très fluide puis il fonctionne super bien. Il est très beau. Après ça, t'as Kingdom Hearts 358 and a half days. Ça, c'est un jeu qui était sorti en 2009 sur Nintendo DS. On est sur un exclusif de PlayStation 4. Ils ont décidé de ressortir toutes les cinématiques en HD, donc ils n'ont pas refait le jeu. Tu as juste toutes les cinématiques ensemble. Okay. Puis ça te fait comme un très très long film de plus de deux heures. C'est comme un recap un peu finalement de qu'est-ce qui se passait. C'est ça. Parce qu'en fait, toute cette affaire-là, c'est vraiment pour te préparer à la sortie de Kingdom Hearts 3 qui va sortir en fin d'année. Après ça, tu as Kingdom Hearts 2 Final Mix. C'est un jeu qui était sorti en 2005 sur PS2. Lui, il est vraiment plus fluide que le premier. Moi, j'ai vraiment préféré du premier. Il y a moins de backtracking. Le platforming est meilleur. Le système de caméra est meilleur. Il y a plus d'action. Fait que tu sais, peut-être que ça serait un Kingdom Hearts qui est plus accessible que le premier. Le premier était plus RPG que action RPG quand même. Fait que c'est ça. Ça, c'était quand même assez intéressant. Encore une fois, on retrouve Mulan, la petite sirène. Là, justement, il y a Tron, il y a Pirates des Caraïbes, il y a La Belle et la Bête. C'est d'actualité. Il y a même Petit Poulet. fait que c'est poulet. Ça. Kingdom Hearts 2, moi je trouve que c'est une bonne place pour commencer pour quelqu'un qui veut une expérience quand même assez facile. Après ça, t'as Kingdom Hearts Bird by Sleep Final Mix. Ça, c'était un jeu qui était. Donne des noms, hein? Ah, ça a pas de bon sens, mon gars. C'est ridicule. Ça, c'était sorti en 2010 sur PSP. Moi, c'est un de mes meilleurs Kingdom Hearts à vie. Il est vraiment bon parce que là-dedans, en plus de ça, t'as trois personnages que tu peux contrôler. Ils ont toutes les trois leurs quêtes. C'est pas des personnages qui sont Sora, c'est d'autres personnages. Ils sont vraiment le fun. Le système de combat est vraiment excellent. Là. C'est très addictif comme jeu. Après ça, t'as Kingdom Hearts Recoded, qui est encore une fois un autre jeu qui est sorti originalement en 2008 sur mobile. Puis il avait été refait en 2010 sur Nintendo DS. Donc ça, c'est toutes les cinématiques en HD, une fois de plus, pour t'en apprendre sur l'histoire. Donc c'est ça, au final, t'as quatre grosses aventures avec une tonne d'heures de jeu. Je veux dire, si juste un jeu, ça va te prendre, t'sais, facile 60 heures pour le terminer. Jeux, c'est des jeux énormes. Ouais. Fait que, t'sais, ça prend du temps. Puis sinon, t'sais, avoir toutes les cinématiques, c'est quand même intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment faire le pont entre le premier jeu puis le troisième avant de commencer le troisième. Avant de finir, peux-tu me dire ça joue comment ça? C'est un RPG? C'est un action Excuse-moi. RPG? Tu donnes des coups d'épée? C'est un action RPG en fait, c'est que tu donnes des coups d'épée de ton Keyblade. Third person, là. Tu cours puis tu slashes. Okay. T'as des quêtes là-dedans, il va falloir que t'ailles faire des petites quêtes, rendre service à des gens, tout ça. Ouais. Mais sinon, essentiellement, tu te bats contre des personnages. Les personnages, c'est les Heartless, comme des espèces de petites bêtes noires. Ouais. Puis t'as aussi des boss fights là-dedans. Tu peux avoir des summons, pareil comme dans Final Fantasy, sauf qu'à la place, admettons, ça va être Simba qui va sortir et qui va ravager tout le monde. Tu peux avoir le c'est, j'aimerais ça avoir ce summon-là dans quelqu'un te fait chier, tu casses Simba. Mais c'est ça, c'est vraiment cool. Puis c'est un mot Kingdom Hearts, c'est pour ça que j'aime ça, parce que c'est c'est un mélange que tu penses qui fonctionnera juste pas. Parce que ça a fait ses preuves depuis le temps. Là, ça a vraiment fait ses preuves depuis le temps. C'était assez daring au début, mais là, à cette heure, c'est une franchise. Ça avait été très, très, très révolutionnaire. Là. Ah, ouais, surtout, même le deuxième, en plus, il est quand même assez différent du premier. Puis là, tu sais, t'as tout le temps le monde qui chiale, mais tu sais, en même temps, le succès du jeu prouve que finalement, c'est un bon move aussi. Ben oui. Non, puis c'est une bonne formule. Puis je trouve que c'est pour du monde comme moi. T'sais, moi je suis pas un gars de JRPG tant que ça. À un moment donné, je décroche parce que je trouve ça trop pointu. Puis ça, c'est accessible. N'importe qui peut jouer à ça. Si vous avez jamais joué à un RPG, puis que vous aimez Zelda, mettons, ben ça serait un bon second jeu, en fait, Kingdom Hearts. Pour pouvoir jouer à des RPG. Puis c'est un jeu qui explique bien, qui apprend bien. C'est un jeu, en passant, qui est en français. Les voix sont pas en français, mais tu as des textes en français un peu partout. Donc, même chose pour les cinématiques, sont en anglais, mais tu as des sous-titres en français. Donc, c'est vraiment un bon package. Tout ça, tu sais, c'est un jeu à 60$. Puis tu as quand même 4 super gros jeux. Juste avoir Kingdom Hearts... Moi, pour ma part, Kingdom Hearts 2 puis Bird by Sleep, sérieusement, ça vaut vraiment le coup, là, parce que c'est des très bons jeux. Puis c'est ça, sur PS4 Pro aussi, il y a le support 4K, donc ça peut être intéressant pour vous autres. C'est des jeux qui sont très beaux, ils ont vraiment travaillé les textures, tout ça, ils ont travaillé... Tu sais, quand je dis texture, entre autres, c'est que des fois même, il y a des dessins sur à des endroits, tout ça, comme, mettons, un moment donné, un gros vitrail dans le premier. Mais ce vitrail-là, il est comme full HD. Tu as vraiment l'impression que ça fait partie d'un dessin de Walt Disney. Ouais. Fait que c'est vraiment super beau. La musique est écœurante, tout. J'ai vraiment rien à dire de mal. Avant le patch, j'aurais pas donné une si bonne note que ça parce que j'avais vraiment des bugs qui étaient... Game Breaker dans des batailles de boss, surtout. Ouais, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Ça a vraiment été rough, mais maintenant qu'il y a eu le patch, sérieusement, c'est vraiment un achat recommandable. Fait que moi, ce jeu-là, je lui donne un 9 sur 10. Yes. Sérieusement, t'as une PS4, man, achète ça, c'est vraiment bon. Faut aimer Kingdom Hearts, mais sérieux, qui aime pas Kingdom Hearts? Donc, c'est ça. Ceux qui n'ont jamais joué. Ceux qui n'ont jamais joué. Ceux qui n'ont jamais joué. Ou moins. Mais t'as pas jamais le temps. Joué à pas ça, le temps. C'est vrai. Non. Caroline. Là, tu me dis que c'est 60 heures en plus, je pense que je vais m'abstenir. Par jeu. Ouais, c'est ouais, ça, par jeu. Jeu. Mais moi, je... Même un recode. Yeah. En fait, c'est 60 heures et un half remix. Mais il y en a un qui est pas dans cette collection-là que moi, je te recommanderais. T'as une 3DS. Joue à celui qui est sur 3DS, qui est pas Bird by Sleep. Ça, je l'ai dit. C'est, voyons, Caroline. Dream Drop Distance. Il est fucking bon. Il est vraiment, vraiment bon. Puis même la 3D est vraiment écœurante dedans. Fait que c'est une bonne place aussi pour commencer. Là. Ça se fait bien. Moi, Pense-y. J'ai un backlog pas mal. Pense-y. On est rendu où, là? On est rendu à Fred. Moi, par hasard. Yes, sir. Hey, je suis content de faire mon baptême avec vous ce soir avec du NES. Oui. Parce que comme on a dit en intro, on est pas mal des gros ramasseurs de cassettes. Moi, bon, pour faire une petite histoire courte, il m'en manque juste 10. Toi, t'en manques combien? Je devrais en recevoir cette semaine. Je vais tomber à 16, je pense. Ah, c'est ça. C'est on rendu dans les derniers. Mais toi, il te manque des gros, là. Ouais, moi, j'ai gardé le gros cash pour la fin. Moi, j'en ai pour 500$, 600$. Toi, ça va plus dans les deux. Ouais, c'est ça. Moi, je suis rendu dans les gros chiffres. Puis, tu sais, si ça n'avait pas été de samedi, j'aurais eu des reins encore à pouvoir vendre. Mais là, je pense que j'attends un petit peu pour ça. Ils sont finis, man. Mon petit arcade. Fait que, ben, tu sais, je me suis dit que j'allais parler avec vous à soir de jeux un peu plus abordables. Parce que, tu sais, maintenant, on pense souvent que la collection, tu sais, ça au cher, des Mario Bros à 100$, des affaires de même. Mais il y a quand même bien des bons jeux sur NES qui coûtent pas trop cher. Justement, Blaster Master, tantôt, c'est un absolument autre bon petit jeu à 10$. Ben oui. Puis ce soir, je décide de vous en amener un qui est dans les 10-15$. Puis encore plus cool, c'est fait par Nintendo. Ça s'appelle Star Tropics. Oh oui! Donc ça, c'est disponible évidemment sur NES, mais si t'es encore plus... plus cheap que du NES, tu peux aussi te le pogner sur Wii U et même sur la NES Classic si ton reseller t'a fait un bon prix sur ta NES Mini. Hey, donc, Mattel faisait des jeux. Ben en fait, Mattel distribuait les jeux au Canada pour Nintendo. Ça. Fait que tous les Mario Bros 3, c'est Mattel. Exactement. C'est les avoir en version Mattel ou version Nintendo et tout. Puis ça, justement, c'est un jeu de Nintendo. Donc là, je te vois avec mon futur punch de plus tard, là. Je veux pas le... Ok, c'est bon. Je vais le montrer correct après le gameplay. Ouais, tu vois, on va y aller tantôt. Je te vois venir. C'est bon, c'est bon. Ça de côté. Bon, non, bon, non, bon. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est un jeu Nintendo. Puis ça a été fait par le studio Nintendo qui s'appelle NR... IRD, c'est le, qu'en fait, c'est comme un Integrated Research and Development. Puis en gros, c'est un peu la branche de Nintendo qui généralement développe le hardware. Puis tu sais, ils font aussi des jeux, puis c'est vraiment des jeux qui sont bien basés sur du hardware, un peu pour pousser la patente, tu sais, comme Punch-Out à l'arcade avec les deux écrans, Pilot Wings en 3D, ces affaires-là. OK. Puis en gros, c'était... Et pourtant, ce jeu-là n'est pas avant-gardiste. C'est pas avant-gardiste jusqu'à ce que tu regardes un peu l'historique. Puis en fait, c'était une nouvelle franchise qui avait été complètement développée pour le marché US. Donc, Star Trek, c'est jamais sorti au Japon. Il n'y a pas de version japonaise qui existe. Ouais. Puis c'est sorti un peu plus tard, je pense, en Europe. Mais c'était vraiment un défi de percer le marché nord-américain parce que Nintendo se rendait compte que finalement, on fait juste des jeux japonais qu'on amène là-bas. T'sais, on va faire de quoi from the ground up pour les Américains. Puis finalement, ça n'a pas trop marché. Ben, en fait, le jeu a bien marché, mais les intentions sont coulées assez vite. Ouais. Il y en a eu deux. Il y a un deuxième jeu, Zoda's Revenge. Qui, je sais pas si c'est le titre qui a coulé ça et tout. Zoda. Mais c'est sorti Zoda. Super tard. Ouais, Zoda. Ouais, hein, c'est un late release. Puis il est encore très achetable. Ça vaut quoi, 20-25 à peu près, ouais. Ouais. Puis c'est ça, fait que c'est des jeux qui se sont quand même assez bien vendus, ça se trouve assez bien. Puis pour faire un peu ce jeu-là, en gros on joue Mike Jones, donc qui s'en va un jour, qui reçoit une lettre de son oncle Dr. Jones, donc on peut voir ici une petite influence d'Indiana Jones qui ressort. Ouais. Puis qui l'invite à venir le rejoindre sur Sea Island, qui est dans le fond une île dans le Pacifique. Puis on arrive là-bas, puis on se rend compte que finalement, ton mononcle, il est pas là. Tu sais, c'est. Puis bon, tu parles avec tout le monde du village, puis là, tu pars dans une aventure pour retrouver ton oncle. Fait que c'est assez intéressant, tu sais. C'est un peu différent des jeux d'époque où on sauve des princesses, des affaires comme ça. Exact, là, tu cherches mononcle. Sauve un mononcle. C'est ça. C'est un peu comme en région, quand tu perds ton oncle sous dans un party dans le bois. Là, tu pars, puis là, tu t'en vas le chercher. Il est où, ce tabarnak, là? C'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un setting qui est plus moderne aussi. Tu sais, c'était le pari, justement, de faire un jeu nord-américain. C'était de s'inspirer beaucoup plus de quelque chose de moderne. Donc, en fait, Mike, c'est un joueur de baseball, donc le champion local de ça. C'est pour ça que dans tes armes, ben, on l'a vu tantôt, là, on a soumis un bat de baseball, mais t'as aussi un yo-yo. Puis, en fait, c'est tous des trucs un peu inspirés de la culture rad de ces années-là. Puis, tu sais, bon, beaucoup de baseball, tous les noms des villages, c'est tous des jeux de mots avec cola. Donc, tu commences à Mira Cola, tu t'en vas à Runa Cola. En tout cas, il y a plein de trucs. Puis moi, ça fait même penser aux Goonies à un moment donné. Il y a plein d'enfants, des bateaux pirates et tout. C'est vraiment cool. Puis en tout cas, bref, on explore un peu les îles et tout. Puis on se rend compte que finalement, mon oncle Jones est parti avec les extraterrestres. Donc, c'est toujours des extraterrestres. C'est ça. Hein, t'es pas dans le fantasy dans l'US, c'est des extraterrestres. C'est aujourd'hui, quand c'est des zombies. De quoi, c'est extraterrestre. Tout un yo-yo puis un bat. On wrap up le plateau. Puis là où c'est le fun, c'est le côté gameplay. Là, on le voit un peu roulé depuis tantôt. Ouais. Pis, c'est pas de la merde, ce jeu-là. C'est assez intéressant. C'est un bon mélange d'exploration un peu d'overworld, un peu comme dans un RPG où est-ce qu'on se promène dans un monde vu de haut, puis tu parles avec des gens et tout, puis t'explores. Puis tu sais, faut que tu trouves ta quête. Qu'est-ce que. Un peu comme des donjons de Zelda. Là. C'est ça. En fait, ça ressemble pas mal à Zelda 2. Beaucoup, c'est ça. On se le cachera pas, ce jeu-là est probablement ce que tout le monde aurait voulu que Zelda 2 soit. Ouais. Tu sais, pas le côté side scroll. Ben moi, j'aime beaucoup Zelda 2 quand même. Mais tu sais, on voit que. Moi, je parlais plus de Zelda 1, en fait. Ben, c'est ça, en fait. Pas 2D. C'est que Zelda 2, tu sais, t'as la partie justement un peu RPG, puis là, tu rentres dans les donjons en 2D. Ben là, tu sais, c'est comme si t'avais la partie. Ben, t'as la partie RPG, mais quand tu rentres dans un donjon, c'est top-down. Exactement, là, tu tombes dans le top-down. Parce que ce que j'aime, moi, dans Star Trek, c'est les cases. Ouais, c'est tout est comme basé sur exactement. Une grid. Ouais, c'est ça, c'est au niveau de la jouabilité, c'est vraiment ça. La première affaire qui frappe, c'est que tout le jeu, au lieu d'être différemment justement de Zelda 1, où est-ce que tu peux te promener d'un pixel, un poil de pixel près, ben là, vraiment, tous tes déplacements sont basés sur des cases. Donc là, si tu jumpes, tu vas jumper d'une case ou deux cases, tout dépendant. Ça, des fois, ça gosse un peu. Mais puis, tu sais où tu vas tomber exactement. Tout le temps. Puis le but de ça, c'est que ça devient vraiment un jeu de casse-tête, vraiment beaucoup plus axé sur des solutions d'énigmes, de comment ouvrir des portes, mais aussi de comment t'approches les ennemis. Donc, des moments, tu vas avoir des ennemis qui foncent tout le temps vers toi. Fait que, il va falloir que tu trouves une façon de les bloquer dans le pâle, dans l'environnement. Ou bien là, ici, tu as des serpents, des fois, qui foncent direct sur toi. Donc là, il faut que tu trouves une façon de les déclencher. Puis tu as un jump dans le jeu. Puis ce jump-là, il est subtil au début. Tu n'es pas trop sûr de à quoi il sert. Mais en combat, à un moment donné, ça devient absolument primordial de l'utiliser. OK. Donc, tu vois vraiment que tu as des gros timings. C'est vraiment un jeu de timing puis de réflexion et tout. Puis on a quand même pas mal d'items. Donc on a vu le lampe principale, c'est un yo-yo parce que ben c'est ça, c'est les années. Parce que USA. C'est ça, USA. C'est impossible. Comme ça, un bat de baseball. T'as plein de toutes sortes de trucs. Mais en fait, ce qui est spécial par contre, contrairement à Zelda, c'est que ces items-là, tu les gardes pas. C'est des consumables. Donc c'est vraiment, écoute, t'as tendance des fois à les dépenser un peu vite. Puis quand tu meurs, ben des fois tu les perds, puis t'es un peu coincé à cause de ça. Ouais, écoute, c'est l'ancêtre de Breath of the Wild. Exactement. Ouais. Puis ce qui m'amène un peu, ça a peut-être amené un peu parler de la difficulté de ce jeu-là. Donc, comme tu meurs quand même pas mal. C'est un jeu vraiment de Nintendo Power. Il y a beaucoup de moments où est-ce que t'es bloqué dans le jeu, où tu trouves une porte, tu tombes dans un trou, puis c'est pas là qu'il fallait que t'ailles. Des ennemis invisibles, des affaires dans la main. C'est un peu cheap. Des fois, t'as des moments cheap qui sont bien faits. Comme par exemple, il y a le classique de fermer les lumières, puis là, tu vois pas ce que tu vas. Ouais. Mais des fois, tu regardes, il y a des ennemis qui vont te tracer les patterns, puis t'es comme, je peux aller là. Fait que c'est un peu d'interprétation et tout. Donc, c'est quand même bien fait, mais bon, des moments, c'est un peu cheap. Puis ce jeu-là, tantôt, on parlait justement du côté peut-être Research and Development de Nintendo. Puis il y avait un feature qui était comme pas mal le plus dans tes dents côté blocage. Puis c'était l'informe lettre. Ça, tu peux la sortir si tu veux. La Donc, lettre. Tantôt, on se demandait pourquoi ça avait été fait dans une équipe Le jeu, il dit d'aller lire la lettre que ton oncle t'a laissée. Exactement. Mais la lettre, elle existe pour vrai. Elle existe pour vrai. Elle vient avec le livret d'instructions ici. Je l'ai. Exactement. Là, vous voyez, il y a comme un espace vide sur la lettre. Mm. Puis là, ça dit que pour savoir ce qui est écrit, c'est le code, faut que tu mouilles la lettre. Ah ouais, fait que là, si j'allais saucer ça dans la toilette présentement, ça donnerait un code. C'est pas en dessous du robinet. Il faut vraiment que tu la mettes dans l'eau puis t'attendre que ça apparaisse. Exact. C'est tout. Là, moi, je l'ai pas fait. D'ailleurs, le code, c'est 747. Ouais, okay? C'est 747. Mouillez pas votre lettre. Là. Prenez pas de chance. Là. C'est 747. Ça vaut cher. Non, ça vaut pas si cher que ça. Bien. Mais t'sais, sinon, tu peux pas passer le quatrième chapitre si t'as pas le 747. Fait que tu sais, aujourd'hui, avec Internet, c'est facile. Ça va pogner le GameFAQ. Mais dans le temps. Non, dans le temps. Moi, j'ai acheté cet avant Internet, usagé. Puis aussi, il y a le petit robot, à un moment donné, il te demande un code. C'est ça. C'est ce code-là, exactement. OK, c'est ça. Mais tu peux pas le faire. Fait que tu sais, comme je disais, ben évidemment, si tu avais loué le jeu, parce que Nintendo, à l'époque, était en guerre contre Blockbuster, si tu louais le jeu, ben too bad, tu peux pas le finir, à moins que tu appelles le hotline puis tu donnes tes pièces à Nintendo pareil. Ou bien que tu achètes Nintendo Power puis tu donnes tes pièces à Nintendo pareil. Je pense qu'il y avait fait deux Nintendo Power même sur ça. Deux numéros, un après l'autre pour couvrir bien comme il faut. Sinon, ben juste pour essayer de rapper ça un peu, en fait, l'autre truc aussi qui est bon... Zardoz, il se fait pas aller aujourd'hui. Ah, c'est ça, il est un peu lousse. Mais... terminer là-dessus, en fait, bon oui, il y a de la difficulté et tout, mais le petit truc aussi qui est peut-être un peu tannant, c'est les contrôles. Là. Ça, vraiment, moi, je suis un gars de contrôle, puis on est habitué de la réactivité sur NES et tout. Puis là-dedans, ben, comme on disait tout à l'heure, on bouge vraiment par case, ce qui fait que la première fois que tu appuies sur le bouton, des fois, tu fais juste renligner ton bonhomme, mais tu commences pas à avancer. Tu as toujours un petit délai, ce qui fait que des fois, en combat avec les ennemis, ça cause un peu de la frustration. Mais bon, somme toute, le jeu, ça prend quand même assez bien. Non, moi, j'ai pas le temps de le terminer parce que j'étais supposé de le finir hier. Puis hier, je sais pas ce qui est arrivé samedi soir, mais bon, j'ai eu un peu de misère avec ma vie. L'or gris a pris pas contrôle de moi. Puis, donc, c'est ça. Fait que là, je me suis perdu un peu dans mon fil d'idée, mais c'est pas trop grave. Donc, les contrôles un peu stiff, c'est sûr que la difficulté du jeu, elle enlève un peu de fun que tu peux avoir, mais ça reste quand même du gros jeu pour 10-15$. T'en as au moins la qualité, 5-10 heures si tu essaies de le faire par toi-même sans aller sur Internet. Puis c'est pour ça que je lui donne un gros 7/10. Donc, un très bon jeu quand même qui vaut la peine d'être essayé pour une franchise finalement qui est malheureusement disparue. Exact, il n'y a plus rien. Que ça revienne, Mike Jones, Colin. Il n'est même pas dans Smash de aucun... Ben, ça, là, moi, j'ai pétitionné pour ça. Tout le monde ça, veut qu'il là. Soit là. Puis, ça a arrêté malade. Parce qu'à 3DS, pas à 3DS, au E3, il me semble, il y avait eu des trailers, puis on avait fait Star Tropics! Ça a été malade. Puis c'était pas ça. Je me souviens plus c'était quoi, mais on était sûr c'était Star Tropics. Tout le monde aimerait bien un retour de Star Trek. Yeah, oui. Ça, je pense qu'on le verra pas. Non, pas notre Zoda. Vivant. Pas notre vivant. Zoda. Donc, prochain, c'était toi, Dom. C'est toi, Dom, Bon, ben, moi, je vais parler d'un jeu d'intellivision, mesdames et messieurs. Monsieur. Oh, il s'agit de Sydney Hunter and the Sacred Tribe. Sorti en quelle année, ça? C'est sorti cette année. Oh, c'est un jeu shit. De Connector Vision. Connector Vision est la business de Jeff Dupuis. Et puis, avec y a d'autres amis là-dedans. D'ailleurs, attends un peu, je vais sortir mes notes. Tu me donnes ton mot de passe de téléphone, je suis le départ. Et puis, dans le fond, c'est ça. Jeff et sa gang de Collector Vision, ils ont acheté les noms XCD, LJN puis Acclaim. Ouais. C'était wow. disponible puis ils ont acheté ça. Fait que eux autres, ils ont comme... quand ils développent pour du pré-NES, je pense qu'ils mettent XCD puis pour NES et d'autres affaires, ils mettent du Acclaim ou ben tu sais, comme... Ils se gâtent, on dirait. Là, comme petit LJN de temps en temps. Comme ils veulent. Et puis, ce jeu-là, dans le fond, il a été nommé Game of the Year par la communauté Homebrew Intellivision, qui se tient pas mal sur Atari Age, là, dans le fond. Mais il y avait du monde, tu sais. Il y avait genre une quinzaine de jeux, des dizaines et des dizaines de personnes qui ont voté. Donc, c'est ça, ça a été le succès de l'année, là, dans la communauté Intellivision. Ah, ben, c'est des gros développeurs, eux autres, là. Ils en font pas mal. Puis, ben, ils en annoncent beaucoup. des fois, c'est un peu long. Mais c'est une petite équipe, tu sais. Puis c'est aussi produire ça, c'est pas. Puis Cine Hunter, là, présentement. Ah, d'ailleurs, c'était écrit. Je l'ai noté ici, là. Il est sorti à l'Intellivision. Il va sortir au Coleco très bientôt. Et puis, ils vont au MSX aussi. Puis plus tard, cette année, ils vont le faire au NES. Puis ce jeu-là. Puis je sais que Sydney Hunter, ils ont une autre version Super NES sur laquelle ils travaillent présentement. Version TurboGrafx aussi qui s'en vient, je pense. Ah, moi, c'est celle-là que j'attends. Moi, quand ils l'ont annoncé, j'ai des lumières dans les yeux. Ah, ils font pour toutes les consoles. Ah. Fait que dans le fond, il y a aussi... bon, je vais revenir plus tard là-dessus. Fait que vu que le gameplay est là, je vais en parler. C'est un petit Indiana Jones un peu. Tu te fais... t'es pogné dans un temple avec des méchants. Mais les méchants, ils font rien, là. Ils te violent pas, ni rien. Okay. Ils veulent juste que t'ailles chercher les diamants parce qu'eux autres, ils ont besoin de diamants. Donc, tu te promènes à travers tout le temple puis tu collectes les diamants. Puis, c'est ça. À mi-chemin, dans le temple, il y a... Il y a un méchant qui est là qui dit « Ça me prend 40 diamants si tu veux continuer. » Fait que, ça te replace un peu. Ah, oui. Donc, c'est un peu un labyrinthe 2D, comme on voit là. Moi, ça me fait penser, ça me donne le feel de Pitfall 2. Ouais, exactement ce que j'allais dire. C'est tu commences au-dessus d'un trou qui te tue ou... Ouais, non, mais non, tu commences direct dans le temple. Là. Fait que t'es tout le temps dans le noir, là, tu sais. Et puis, ce jeu-là, ce que Jeff m'a appris aussi, c'est que faut que tu prennes ton temps. Comme là, tu vois... Ah ben non, c'est pas... Je pensais qu'il avait fait une erreur. Mais t'as un jump. Excusez, j'ai comme... Le chat est en train de me rentrer dans le nez. Mais ton jump est compliqué. T'as juste un jump. OK. Et, comme t'as pas d'attaque. OK, t'as pas d'attaque. Fait que tu jump. Et puis, t'es mieux de pas courir pour jumper. Tu sais, comme t'arrêtes la case d'avant, tu jumps. Ah ouais. Et tu continues. Parce que je sais pas si c'est mon Intellivision qui répond mal. Ou si c'est le jeu, mais les boutons sur une manette d'Intellivision sont sur le côté puis sont rough. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Non, tu parlais de Coleco tantôt. Je me disais, ça va être drôle d'acheter un jeu neuf pour Coleco puis pas être capable de jouer avec mes manettes qui sont trop vieilles et toutes pétées. Là. Exact. Donc, des fois, c'est le hardware là, qui peut faire mal un peu à l'expérience. Là, donc, je pense que, mettons, au NES, ça va être plus facile. Mais c'est ça. Puis dans le fond, ça a de l'air très labyrinthe. Puis au début, j'ai dit « Tabarnak, man, je vais me perdre là-dedans. C'est impossible. » Mais c'est bien. Le level design est très bien fait. Parce que c'est assez linéaire. Puis à un moment donné, t'as comme deux chemins. Là, t'es « OK, c'est ici là, que ça se passe. Je me perds pour toujours. » Mais non, tu sais, assez vite, il y a comme un chemin. Tu remets ça à traque. Puis tu finis un cul-de-sac. Puis parce que tu pognes une clé. Tu dis « Ah bon, ben parfait. J'ai refait ma route. » Donc, tu cherches, mais tu te perds pas. T'sais. Okay. Quelqu'un qui a une légère. Qui a un peu de mémoire. De se reconnaître. Est capable c'est ça, de bon se reconnaître. Puis, si jamais t'es pas capable, le jeu, il vient avec une carte. Ils ont dessiné eux-mêmes une carte, là. Puis, tu sens parfaitement. C'est bien fait, la carte est belle. Cool, ça. Tu sais exactement t'es où, là, si jamais t'es dans la marde. Fait que là, tu vois, OK, ouais, là, il y a un cul-de-sac. Donc, c'est ça. Moi, c'est ce que j'ai aimé, ça. Ne pas me perdre là-dedans. Ouais. C'est un jeu de mémoire, un peu de pattern aussi. Tu sais, au début, je soquais bien raide. Là. Ouais. Je mourais. Là, Jeff m'a dit qu'il y avait un cheat au début. Je vais vous le dire direct là. Dans le fond, dans le title screen, il faut que tu fasses 8-5-2 au title screen, puis tu vas avoir 200 vies au lieu de 3. Donc, voilà, là, t'es correct. Tu peux aller de l'avant. Puis, sur mes 200, j'ai fini le jeu, mais sur mes 200 vies, j'en ai pris une vingtaine à peu près. Quand même. C'est pas genre brisé ou. C'est pas si fait que ça. Non, c'est du par cœur. C'est ça. Dans le fond, t'aurais pu, en travaillant fort, recommencer et l'avoir. Puis là-dessus, je pense j'ai perdu une dizaine, mettons 6-7 vies, rien qu'à cause du hardware. Là, rien qu'à cause de ma console qui chiait, là, tu sais. Il y a des dialogues là-dedans aussi, justement, quand tu parles avec les dudes ou bien au début. Et puis, ben même après le title screen, quand tu commences, tu vois ton personnage, là, ça parle, il y a du dialogue. Puis ouais. Il y a un joli bouton skip. Ah. Ils ont non, mais ils ont pensé à ouais, ça. C'est génial. Ça, c'est du monde qui réessaye leur jeu. Ah, ouais. Ah ouais, non, ah, le monde, ils vont se faire chier à mourir puis à voir tout le dialogue. Exact. Skip le dialogue, puis parle-moi de ça. Puis sur une manette de la télévision, c'est un, il y a un cadran à 9 digits, là, ah, ouais. Plus 3 autres boutons, donc un total de 12. Puis il l'utilise fuck all. Ça, c'est encore merveilleux. Des fois, à la télévision, ce qui fait chier, c'est ça. T'sais, tu joues un jeu, puis là, c'est ah, chaque bouton fait quelque chose. C'est une fonction de merde. Là, faut que tu étudies, puis que tu checkes le booklet. Là, rien que tout ça, il y a un bouton pour skip le dialogue, puis un bouton pour l'inventaire. Donc. OK. Puis l'inventaire, c'est des clés, puis des diamants, puis tes vies. Pas plus compliqué que ça. Puis ça sert de bouton pause aussi. Mm-hmm. Très, okay. très utile. Ça, j'ai bien aimé ça. C'est un jeu pick-up and play, là, tu sais. Oh, oui. À ce niveau-là, justement, que c'est... Moi, j'étais un peu réticent. Je me disais, ah, ça va être compliqué. Mais non, tu t'embarques, puis tu sautes par-dessus les trous, okay. Puis les bébites, puis ah ouais, fort. Il y a plein de belles petites bébites, ça, c'est bien fait. Aussi, quand tu descends dans le temple, plus que t'es creux, tu sais, à un moment donné, tu passes le premier qui dit que t'as besoin de 40 diamants. Ouais. La musique, elle change. Okay. Donc là, t'es, ah, OK, là, je suis comme une couche plus basse. Là. Ouais. Puis à un moment donné, ils te font remonter pour aller chercher une clé ou un diamant. Là, t'es, ah, OK, là, je suis remonté une couche plus haute. Fait que, tu sais, ils te dirigent un peu avec, okay. Avec la musique. Ça, j'ai trouvé que c'était bien fait. C'est ça, dans le fond. Ça, d'ailleurs, là, tu sais, moi, j'étais un peu innocent par rapport à ça. T'as dit homebrew tantôt. Ça, quelqu'un qui développe ça, le développe, puis il y a pas de tricherie. Là. Ce qu'il fait là, il fait juste avec ce qu'il est capable de faire sur la console. Ben, tu peux pas avoir des meilleurs graphiques. Ou des... C'est beau en cochon. C'est vraiment beau, je trouve, pour un jeu de télévision. C'est super bien fait. C'est sur une cartridge d'une télévision aussi. Ouais. Hein. Eux autres, ils ont acheté le moule pour les cartridges Coleco, fait que c'est, okay. C'est la même affaire. C'est rien qu'ils peuvent faire leur propre carte, mais une télévision, je pense pas. Fait qu'ils achètent des jeux à télévision. Puis ils mettent leur board dedans, puis leur sticker. Fait que ça, c'était un locket chase. Déjà pré-usé, là. Elle est pré-usée, exactement. C'est vraiment c'est cool, ça. Man. Puis la boîte, la façon qu'elle est faite à l'intérieur, c'est faite pareil comme c'est les boîtes d'une télévision. Avec les inserts. Et puis les petits overlays, c'est la même texture plastique. Là, il y a de l'amour là-dedans. Overlays là, d'intention. Le bouclette, il est très bien. On voit tout là-dedans. Moi, j'ai d'amour, là. C'est là, j'ai incroyable. Et puis, bon, il y a tous les boys. Tout GF. Non, ils sont 5, là. Et puis, je vais vous montrer la carte vite, là. Donc, la carte est dessinée. Wow. Dessinée. Mais GF m'a envoyé une vraie carte aussi de screenshot, là. Ouais, c'est lui, je pense, qui fait le level design, en fait. C'est vraiment donc, très cool. C'est un très, très, très beau produit. Si quelqu'un veut se procurer ça, comment il peut faire? Sur le site web de Collector Vision. OK. D'ailleurs, un peu, où, la petite lettre? Ils m'ont donné une petite lettre. C'est le troisième jeu que Jeff me donne. Il est vraiment gentil. Wow, c'est vraiment ma collection. Cool, ça. Il y a 200 exemplaires de Sydney Hunter à l'intellivision qui existent. Okay. Et moi, j'ai le 196. Okay. Donc, il doit rester quelques copies. Je sais pas s'ils vont en faire d'autres. Puis ça, ça coûte combien ce jeu-là? Est-ce que sais-tu, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est un cadeau. Je suis même pas allé voir. Ah ouais. Mais fait que les gens vont sur le site de Collector Vision puis à ce moment-là vont pouvoir. Le site est très bien fait. Il est par console. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux aller voir toutes les. C'est toutes les thématiques. Ça fait avec le thème de la console, un peu avec les couleurs. Exactement. Les c'est vraiment... Tu vois que c'est fait par des passionnés. Ah ouais, c'est du stock de qualité, sérieux. Il était à 60$ sur le site, il était à 55 en rabais en ce moment. Ah, bon, sur la version quand de la même. Télévision. Nous en donnons un, tu sais. Read more. Il n'est pas sorti encore, en fait. Ils se disent pre-order sur le site. Ah, bon, ben. Hey, sérieusement, considérant tout le package, là, c'est hallucinant, sérieux. Moi, je m'attendais à quelque chose d'assez bare bones. Là, écoute, c'est sûr, tu sais, c'est le prix d'un jeu next-gen. Bon, oui. Mais. Ouais, mais ça, c'est pour les gens qui trippent vraiment si tu fort là-dessus. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui joue à la télévision. Moi-même, exact. Je collectionne beaucoup, mais je joue pas dans ça. Mais, tu sais, c'est un beau produit. Ouais. Puis les jeux Homebrew, anyway, ça coûte tout cher. Là, ouais. Moi, j'aimerais beaucoup avoir Juno First au 2600. Mm-hmm. Puis c'est un peu le même prix. Je suis comme, ah, tu sais, il faut que j'achète du NES. Faut que j'achète l'or gris. Mais c'est des beaux produits faits par des objet. Passionnés. Ouais. Et puis, le jeu, il est très bon. Là, oh c'est très bien fait. Quelle note tu lui donnes à ce jeu-là? Je donne 8 sur 10 à ce jeu. Nice! Mais... Tu sais, je donne ça, mais je sais pas comment noter sur 10 un jeu d'émission, tu sais. Ben, honnêtement, je regarde ça, puis c'est... C'est ça, on dirait que c'est une coche au-dessus de la télévision. Parce que quand tu regardes des jeux de télévision, c'est pas aussi bien... Ben, c'est comme tout est profond. Beau, là, c'est ça. Ouais. Genre, tu joues à Night Stalker, c'est un écran. Exact. Ils ne sont pas allés aussi loin. À un moment donné, il y a une bibitte de plus. À un moment donné, il y a une bibitte invisible. Là, c'est comme un labyrinthe. T'sais. C'est sûr que les jeux de Dungeons and Dragons, puis mettons Utopia, qui est un genre de sim Earth, là, si on peut dire SimCity, mais mondial. Il y a bien des affaires différentes sur la télévision, mais un jeu d'aventure de même souterrain à la Indiana Jones, j'en avais jamais vu. Pitfall 2 était à l'Atari, était ma plus proche référence. Donc voilà, je donne 8, bravo. Mais pour vrai, je sais pas quoi donner, mais je peux vous dire que c'est un excellent produit, puis ça mérite les éloges. Donc merci, Jeff. J'ai joué dans le chat, puis il dit que la version qu'on a dit qui était à 60$, qui était sold out, c'est la version limitée. Édition limitée. Fait que, il doit, je sais pas si c'est moins cher à l'autre version, là, mais c'est l'édition limitée qui est sold out en ce moment. Bon, très beau jeu. C'est vraiment cool. Super. Yes. Bon, ben je vais passer. J'ai un autre jeu, moi aussi. Je vais vous parler d'un jeu qui parle du sens de la vie. Oh. Ça s'appelle Everything. C'est un jeu qui est développé par David O'Reilly. C'est publié par David O'Reilly, mais aussi présenté par Double Fine, la compagnie de Tim Schafer. Donc, c'est ça. Everything, ce que c'est un jeu présentement qui est sur PS4 et Steam. C'est un jeu, en fait, qui parle de la vie puis d'à quel point on est insignifiant par rapport au monde qui nous entoure. Fait que ce que c'est, en fait, c'est que tu commences puis t'es littéralement un point dans l'univers, un point au milieu de l'espace. Puis là, t'avances avec ce point-là, tu sais pas trop quoi faire. Là, ça te dit t'es qui, toi? Là, t'écris ton nom. Là, après ça, c'est ce petit point-là, c'est ton nom, c'est toi. Puis là, t'avances dans le monde, puis tu vas avancer, puis à un moment donné, tu vas prendre le corps d'une espèce. Donc, tu commences, puis admettons, t'es une chèvre. Ben là, t'es la chèvre, puis t'avances avec la chèvre. Puis là, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Là, t'avances, tu peux rencontrer d'autres chèvres. Là, ils se mettent avec toi, ils se mettent à avancer. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ben là, t'es une chèvre, mais tu peux devenir plus qu'une chèvre. Là, t'es une chèvre, tu vois un arbre, tu peux devenir un arbre. Un chèvre-arbre. Oui. C'est comme là, on voit à TV, j'ai une coccinelle. Puis là, tu te promènes, puis tu peux devenir autre chose qu'une coccinelle. Si je vois quelque chose que je peux dévorer, comme là, il y a une flèche par en bas, je peux descendre puis aller dans les molécules, dans le système moléculaire de ce qu'il y a en dessous de moi, puis aussi de ce qu'il y a au-dessus de moi. Fait que ça peut aller aussi petit que les molécules, puis ça peut aller aussi gros que des mondes. Qu'une Ferrari Testarossa. Puis c'est un jeu... J'ai passé d'une blatte à une Ferrari Testarossa. Un beau upgrade dans la vie. Une blatte, wow. Une blatte. J'aime ça, ce mot-là, une blatte. Mais ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça s'appelle Everything, parce qu'en fait, tu peux être n'importe quoi. Puis là, au départ, moi, quand j'ai commencé ça, je me suis dit, bon, on va me tanner assez rapide. Mais non, en fait, parce que ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Ouais, c'est ça, ça va être 10 ans. T'es tout le temps en train d'aller plus loin, plus creux. Puis en fait, tu peux... Tout ce que tu vois, tu peux l'être. Puis à un moment donné, tu sais, je monte dans le ciel. Là, je deviens un espèce d'oiseau qui se promène dans le ciel. Là, whoop, il y a quelque chose dans le ciel. Il y a une plume qui est en train de flotter. Fait que là, je pogne la plume. Je me promène avec la plume. Là, whoops, je deviens la planète plume, la Terre. Plume la traverse. Je deviens un clochard. Fait que c'est ça, tu peux devenir n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les affaires que tu vas rencontrer dans ce monde-là sont toutes répertoriées. Fait qu'après ça devient comme une espèce d'encyclopédie gigantesque. Fait que tu peux savoir exactement c'était quoi. Tu peux aussi... Montes-tu ce que t'as pas vu, genre? Fait que là, c'est tu veux compléter puis voir tout ce qu'il y a dans le jeu. Oui, exactement. Ben, tu sais, c'est que t'as des points d'interrogation sur, tu sais, ouais, ce qui est 1D, 2D, 3D, animal, des maisons, des cités, ça. Comme là, on voit que je suis au-dessus d'une planète. Là, je suis comme un continent. Je peux me promener avec le continent, bouger à travers le temps, puis me promener encore plus loin, puis aller même dans le ciel, aller dans la galaxie. Après ça, tu peux te retrouver. C'est drôle parce qu'à un moment donné, c'est comme si la galaxie se rejoignait. Puis là, tu te retrouves dans un univers complètement weird où il y a des phoques qui volent dans les airs, puis des autobus qui avancent tout croche. Fait que, tu sais, ils ont vraiment joué avec tout ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est Alan Watts, qui est un grand philosophe britannique, Lui, il a fait des tapes des années 60 où il parle du sens de la vie puis de notre interprétation de la vie humaine, de la Terre, tout ça. Puis t'as ça qui joue en background à des moments et d'autres du jeu, puis ça... Et l'immersion est totale parce que t'es dedans, puis là t'es comme t'es deep, mon gars, dans tes affaires. Ouais. Mais en même temps, ce jeu-là, ça a comme un côté hyper sérieux quand on en parle, mais en même temps, c'est un peu loufoque. Ouais, pis, c'est c'est un peu weird en même temps. Ouais, c'est ça, il y a des animations, on les a pas vues là, mais tu sais, quand tu te promènes avec un mammifère à quatre pattes, il avance comme si c'était un cube. C'est ça, il cube sur lui-même. Il ouais, c'est comme s'il culbute, tu sais, puis okay. Ben croche, tu sais. Puis le gars qui a fait ça, il a fait par exprès, le gars qui a fait ça, c'est David O'Reilly. C'est un. Lui, c'est le créateur puis le producteur de ce jeu-là. Le jeu-là a pris 3 ans à faire. Puis lui, il s'est dit, je fais tout moi-même. Mais après ça, évidemment, il s'est pris une petite équipe à lui dédiée pour faire ça parce que ça n'a pas de sens le nombre d'affaires qu'il y a là-dedans. Mais c'est lui qui a tout créé ça. Puis ce gars-là, c'est le gars, entre autres, si je peux prendre son travail le plus populaire, c'est lui qui a fait les animations du jeu vidéo dans Her. Le film de Spike Jones avec Joaquin Phoenix. Avec sa forehead face. Ouais, avec sa forehead face, c'est là-dedans. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que Everything, en fait, là, tu sais, ça peut être un jeu. Tu sais, comme moi, c'est un jeu, entre autres, j'ai fait jouer à ben, ça. Hey, c'est un jeu. Oui, ben c'est ça. C'est un jeu, mais en même temps, c'est un jouet. Tu sais, bien ça. Dit, ouais, en fait, ça. C'est un jouet. Tu sais, parce que c'est de la simulation. On les voit plus, évidemment. Puis, en fait, ça, cette affaire-là, c'est que tu commences à te promener là-dedans, puis tu te dis, ben là, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de but, ça sert à rien, fait que je vais arrêter de jouer. Puis tu continues, puis tu rentres dans quelque chose, puis tu rentres dans quelque chose, puis tu rentres dans quelque chose. Ouais, ouais. Puis aussi, là-dedans, tu vas rencontrer, tu sais, pas nécessairement des personnages, mais plus des points où ça dit comme... Hey, cette roche-là, elle parle. Là, tu y parles, puis elle va juste dire quelque chose de weird. Fait qu'il y a comme des affaires wacky là-dedans. Tu sais, comme là, on le voit justement, le lion, check comment il se promène. Voyons donc. Mais tu sais, c'est ça, tu sais. Comme là, je suis dans le désert, mais j'ai vu des images sur Internet aussi du monde qui crée des mondes avec ça. Ouais. Parce que quand t'es à l'intérieur de quelque chose, puis t'as débarré d'autres choses, tu peux le transformer, puis créer ton monde à toi aussi avec des objets bizarres. Pis ce jeu-là aussi est excellent pour un jeu en famille, pour jouer avec des enfants. Parce que les enfants vont regarder ça, vont découvrir plein d'affaires par rapport à notre monde de façon vraiment intéressante puis ludique. C'est le fun parce que la bande-annonce est vraiment longue pour le jeu, mais elle te vend exactement c'est quoi la philosophie. Moi, j'écoutais ça puis je t'avais jamais entendu parler. Puis genre, la première affaire qui m'a frappé, c'est que tu vois la grandeur de la patente. T'sais, comme tu dis, tu peux rentrer dans tout, mais... Tout a l'air d'être différent. Tu sais, comme si tu l'as vu, la coccinelle a fait certaines affaires, mais après ça, maintenant, t'es un glacier. Ouais, exact. T'es un glacier. Tu te ramènes puis tu fais de la glace. Quelqu'un dans le chat demande important, est-ce que tu peux être un éléphant puis te faire laver? Ouais. Tu peux être un éléphant. Tu peux te faire laver l'éléphant? Comme... Je sais pas si tu peut-être peux te faire laver rouler l'éléphant. Dans un lac. Un DLC qui s'en ça serait peut-être. Pas mal le plus proche de lavage mais d'éléphant. Ça, c'est un vieux gag, ça, d'Assassin's Creed. Que un submission, faut que tu laves l'éléphant. Je sais plus que Far Cry. Ouais, exact. Ouais. Tu peux être aussi un lampadaire pour avoir un troupeau de lampadaires. tu peux être un pour building. Vrai, tu peux être un objet genre, oui, tu peux être inanimé. Un... Non, tantôt, tu es un baril. Tu peux être un objet. Tantôt, j'étais un baril. À un moment donné, j'étais un feu de camp. Fait que ma Ferrari est pas si loin. Elle est pas si loin. Je suis pas mal certain qu'elle est là, ta Ferrari. C'est juste le copyright qui fait qu'elle est pas là. Puis tu peux faire des troupeaux de toutes. Fait que, tu sais, les possibilités sont infinies, mais c'est ça. Troupeau de Ferrari. Là, troupeau de Ferrari. mais la c'est grosse ça. Plèbe. C'est un jeu dans lequel on aime vraiment se perdre, puis j'y donne un gros 9 sur 10. C'est incroyable, ce jeu-là, sérieusement. Tu penses que ça va être plate, puis Christy, 3 heures plus tard, tu te rends compte que ça fait 3 heures, t'aurais dû aller te coucher. Ouais, c'est ça. T'es encore là-dedans, tu sais. Que, that's it. Très intéressant. C'est ça avec ma douce. Je passe la POC. Yes. Oh, excellent. Oh. Parce qu'on va parler d'un jeu qui est très critiqué en ce moment. Yes. Old Time Hockey. Développé et publié par V7 Entertainment. Disponible en ce moment sur PS4 et sur Steam. Dans quelques semaines sur Xbox One. Et ça a été annoncé sur la Nintendo Switch. Yes. Ah ouais, pour vrai, je sais même ouais. Ça va être le fun sur Switch. Donc, sortez vos t-shirts des Chiefs et enlevez votre casque parce que ce hockey-là, ça se joue podcast avec des grosses moustaches. Ouais. Comme dans le temps de Deschamps. Ah ouais. Fait que dans le fond, je vais mettre le gameplay dessus, ça va aider. Ben oui, certain. Je peux pas tout gérer en même temps. Donnez-moi une seconde, là. Ah, j'aurais dû préparer ça d'avance. Ah, c'est correct. Jeff s'occupe de tout, là. Imagine, fait une critique. En attendant, s'occupe des images. On va montrer des cartes d'or. Montre des belles cartes. Ouais, montre ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme gear. C'est ma cam, faut que t'es mettes là. Ça, c'est des joueurs qui sont dans le jeu, dans le fond, là. Ouais, moi, j'aime beaucoup les voyous. Les Beaulieu des voyous de Québec. Parce que ces gars-là, ils sont des génies. Ils ont mis une équipe de Québec. Ben, et puis, il y a des beaux serons. Ben, c'est ça. V7 Entertainment, c'est une compagnie qui vient de Colombie-Britannique. Colombie-Britannique, exactement. Ça vient de Vancouver. Donc, souci du détail incroyable. Fait que dans le fond, dans ce jeu-là, on va jouer dans la BHL, qui est la Bush Hockey League, année 1975-1976. Fait que, tu sais, c'est une ligue de garage un peu boboche, un peu de goon. Tu sais, voyez ça comme si vous alliez jouer une saison dans Slapshot. Yes. Fait que, dans le fond, eux autres, ils ont repris un peu l'esthétique NHL 94. Ils ont mixé ça avec du gameplay à la NHL 2017. Puis ils ont amené ça vraiment d'une façon violente. Là, vous voyez un peu, on parlait des graphismes là, en partant. Ça c'est brun, hein? C'est brun, c'est lait. C'est ces années-là. Il n'y a pas personne dans la foule, tu sais. C'est ça, il n'y a personne dans la foule. Tu sais, Dom t'a parlé de l'équipe des Voyous de Québec. Eux autres, ils jouent au centre sportif de Beauce. Ah oh, ouais, c'est wow. Puis il y a genre 4 personnes dans la foule. Ça, c'est incroyable. Okay. Le Charleston Post, c'est ça. Ben là, justement, le Charleston, ça, c'est l'équipe de Charleston. C'est les Stonemasons. On se rappelle que l'équipe des Chiefs vient de Charleston. Ben oui. C'est plein de petits clins d'œil un peu de même dans le jeu. On voyait les deux chicks à Billy, là, justement. À Billy, que ça, c'est des cutscenes, dans le fond, entre les matchs ou pendant la saison. Fait que dans le fond, il y a deux modes de jeu dans ce jeu-là. Il y a Exhibition et il y a Saison. Saison est splittée en deux, Saison et Saison Plus. Saison normale, c'est parce que c'est l'histoire, dans le fond. Tu dois la faire au début pour débarrer certains contrôles. Ce qui était une critique au départ du jeu, c'était ça. C'est que le monde chialait que t'avais pas les contrôles avancés. Puis là, c'est un point que je veux dire en ce moment, c'est que... Très important. Le jeu est sorti il y a 2 semaines. Il y a eu 7-8 mises à jour depuis. L'équipe de V7 écoute les critiques puis ils sortent des patchs à chaque jour pour fixer les affaires que les gens aiment moins. Fait que... Ils répondent à tout le monde. Ouais, ils disent « Ah, t'as eu un bug. » Envoyez-nous vos screenshots, on veut voir comment c'est arrivé. Là. Wow. Donc ça, dans le fond, Exhibition, il n'y a pas de mode en ligne pour ce jeu-là. Pour l'instant, ils ont dit que si les ventes allaient bien, ils allaient développer le mode en ligne éventuellement. De toute façon, moi, j'aime ça qu'il n'y en ait pas. Mais eux autres, ce qu'ils voulaient, c'est ramener l'époque NHL 94 de jouer avec tes chums sur le divan puis d'avoir du fun à se crier après et à se frapper dessus. Fait que c'est ça. Fait que t'as deux modes, Exhibition et Saison Plus. Trois difficultés, Newbie, Casual et Hardcore. Donc Newbie, pas de icing, pas de règlement, tu fais ce que tu veux. Denis Villemur, Trois-Rivières. Mon mode à 26 ans. 26 ans, Denis Villemur. Donc l'histoire, on va jouer les Skugel Intro Brews, donc l'équipe avec le chandail bleu. Et puis on commence, puis notre équipe a zéro partout. C'est les pires assistances que j'ai jamais eues dans l'histoire de la ligue. L'équipe a zéro est dégueulasse. Les gars sont chauds sur la glace. Ils sont chauds pour vrai. Ils sont chauds, c'est dans l'histoire. Les gars sont chauds. Il y a des botches puis des canettes de bière sur le banc. Là, tu commences, puis t'es comme, le contrôle est bien mauvais. Mais c'est parce que ça fait partie de l'histoire, ça. Puis ça, ils l'ont changé par après parce que le contrôle chialé. Ils l'ont pas dit, ça. Puis moi, ça a fucké tout le monde. Mais moi, au début. Ce jeu-là, il est brisé. C'est pas jouable. Puis là, je jouais, puis je suis comme, OK. Plus tu joues, plus tu débloques des contrôles, plus ton équipe devient meilleure. L'histoire avance aussi, tu sais. À un moment donné, le coach, il vend le frigidaire à bière pour acheter un goon. Là, soudainement, l'équipe se met à aller mieux. Ah ouais? Les joueurs patinent plus vite, tu sais. C'est que c'est vrai. En tout cas, tout ça, ils ont mis ça finalement optionnel avec les mises à jour. Fait que tu peux débarrer les contrôles avancés de base, là. Ouais. Fait que t'as 4 types de contrôles là-dedans. Rétro, 2 buttons qui sont sensiblement les mêmes. Beer Mode, qui est le mode qu'on a joué chez Arcade Montréal pour le tournoi, qui est vraiment difficile. Ouais. Tu joues à une main avec ta manette. Fait que un joystick, 2 pitons en haut. Tire, passe, joystick. Dans l'autre main, faut être ta bière, absolument. Exact. C'est le Beer Mode. Fait qu'au moins, c'est fair. Tout le monde, tout le monde peut jouer en même temps. Puis mode avancé, fait que les contrôles qui vont plus se rapprocher des NHL 2017, là, fait que tu vas jouer avec les deux sticks, tu vas jouer avec, tu vas avoir du hooking, du slashing, du poking, t'as tout ce qu'il faut. Puis un autre affaire là-dedans, c'est que le monde chiale beaucoup sur les one-timers, puis ouais. C'est un peu plus... Tu sais, les contrôles sont stiff un peu, les gars sont slow, mais c'est la BHL, c'est pas la NHL. Mais non, c'est ça. C'est des gars qui sont slow, puis c'est normal que tu puisses pas faire un slap shot, tu sais, vraiment, vraiment snap, là. il va pogner, il va snapper après. Mais le but là-dedans, pour être bon. Ah ouais, il est pas capable de faire des one timer. Il assoit, mais il est pas comme stack d'une shot. Il va la prendre, il va snapper après. Ah, c'est drôle. Mais ben, écoute, il y avait les palettes, t'es même pas courbé dans ce temps. <C'est ça, c'est... rire> Mais pour être bon à jouer. Des 2x4, esti. Faut que t'oublies complètement ta perception des jeux actuels de hockey, qu'il faut que tu sois bon ces jeux. Le but, c'est pas de jouer de finesse, le but, c'est de jouer de robustesse. Bon. Fait qu'il faut que tu joues comme un cochon dans ça pour gagner. Puis là, on voit en ce moment, on voit, il y a des batailles, là. Ça a l'air très simpliste, puis ça l'est, OK? Les batailles, c'est deux pitons. C'est punch puis duck. C'est trois punch pour mettre le gars à terre. Si le gars te touche pas, tu blesses le joueur, puis le joueur revient plus. Puis l'affaire, c'est que ça déclenche des chaînes de combats. Là, on voit, il y a plusieurs combats qui s'enchaînent. Tu peux, il y a une mission dans le jeu, dans la saison de base. Faut que tu blesses l'équipe au complet. Puis c'est de même que tu gagnes la coupe c'est à la fin. C'est ça, tu peux gagner un match en mettant KO. C'est ça, tout le monde. Ça, c'est mon genre de hockey. Puis tu peux te battre contre le goaler aussi. Et tu peux te battre à coups de bâton. Les développeurs, ils ont dit aussi mettons, l'arbitre, il y a un delay penalty. Un retardement, tu peux le knocker, l'arbitre. Tu peux comme frapper l'arbitre. Là, comme, il se relève, il oublie qu'il y avait quand même une pénalité qui s'en venait. Fait que tu peux t'en prendre à l'arbitre. Puis le hip check aussi. C'est ça, c'est là que j'allais dans le fond. C'est la grosse nouveauté de ce jeu-là. Eux autres, ils ont dit, tu sais, NHL 94 sont reconnus pour les one-timers. Nous autres, on va être reconnus pour le hip check. Fait que le hip check, dans le fond, c'est un coup de bassin un peu. C'est le mode avancé de ton plaquage. Ça fait que le gars vole dans les airs, il y a des étoiles partout. Le gars est étendu sur la glace pendant une couple de secondes avec des petits oiseaux qui tournent autour de sa tête. Trois hip check te donne le momentum et c'est là où le jeu devient intéressant. C'est quand tu pognes le momentum. Puis si deux gars savent bien jouer, il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir le momentum. Okay. Fait que quand t'as le momentum, t'es en feu, entre guillemets. Fait que tu peux pas vraiment te faire plaquer. C'est pour ça qu'il y a des coups de bâton, puis des crush checks, des retenues de bâton, des hooks, tout ça, justement, là, pour parce que tu peux pas te faire plaquer. Là, t'as les goals en feu. Tu te rappelles à Wayne Gretzky, 3D Hockey, ici. C'est ça. Quand t'as le momentum, si tu fais 3 buts en feu, le goaler veut se battre. Fait que là, tu peux te battre avec le goaler. Si tu plaques le même gars 3 fois en feu, tu peux lui donner des coups de bâton. Fait que tu peux te battre à coups de bâton. Un coup de bâton, le gars, il est blessé. Là. Fait que c'est quand même vraiment le fun. Puis là, on voit en ce moment à l'écran, là, c'est des cutscenes. Ça, c'est pendant le loading, avant que ton jeu commence. Hey, check-moi ces beaux champions, là. Beau bumper de bouche, là. Quand tu joues en mode histoire, c'est là que l'histoire se déroule, en fait. Là, tu vas voir dans les cutscenes, c'est écrit. Puis les cutscenes sont 18 ans et plus, là. Il y a du langage très, très cru dans ces cutscenes-là. Ah, ouais, hein. Il y a un goaler, à un moment donné, il est comme... C'était écrit en anglais, puis le goaler, c'est un francophone, Denis, je sais pas quoi, on a vu tantôt. Denis Villemur, il dit moi, je m'en calais ce style, je vais me faire trader de tabarnak. Je dis waouh! Ouais, ok, là, j'ai quoi slapshot complètement, là. Ah ouais, man. C'est beau. C'est ça qui fait le charme. C'est ça qui fait le charme du jeu, puis c'est ce qui fait. C'est un bon jeu. Tu sais, les noms, la recherche des noms, tu sais, puis les voyous de Québec. Tu sais, les moustaches, le look est dégueulasse, mais ça ça m'attire bien plus que. Mais c'est une alternative, c'est quelque chose d'autre, c'est différent, puis il y a des gens qui vont être rebutés par le fait que c'est plus slow qu'un NHL 94, puis c'est pas un NHL 2007. Ouais. Mettez-vous dans la tête que vous allez pas jouer à ça, c'est un studio indépendant qui fait un jeu, puis qui écoute vos commentaires aussi. Puis il y a une affaire aussi que les gens se plaignaient, c'est que dans la saison, quand tu débloques des choses, t'as des défis à faire. T'as des défis qui sont défis principaux, t'as des défis secondaires. Les défis secondaires, t'es pas obligé de les faire, puis quand ils te disent pas qu'il faut que tu gagnes, t'es pas obligé de gagner pour faire les défis. Fait que quand tu blesses 11 gars, va pas essayer de se carrer. Ouais, blesse 11 gars, tu sais. Puis là, ils l'ont mis dans une bande jaune en bas à cette heure pour dire « Hey, by the way, si c'est pas marqué que vous gagnez, pas obligé de gagner la game. » Le monde, il disait « Ouais, là, faut que je prenne 40 minutes de pénalité, comment tu veux que je gagne? » Mais c'est ça, faut que tu fasses. Il y a des recruteurs de la Ligue nationale. C'est ça, tu sais. Avec des contrats dans leur poche, calisse. Fait que ça, t'es pas obligé. Bon, il y a plusieurs affaires qui sont le fun là-dedans, débarrer. T'as des trophées de PlayStation que tu peux débarrer, ou Steam, je sais pas si on a des trophées aussi. Tu peux débarrer des cartes de hockey, comme Dom a montré tantôt, là, on peut les débarrer dans le jeu. Ouais. Puis en arrière, t'as des histoires, des joueurs viennent de où, c'est pas pire. Ils ont pris le design aussi, des vieilles cartes, des gros noms en ballon, des équipes Pichy. En haut, là. Tu peux aussi débloquer des jerseys alternatifs, fait que c'est vraiment le fun. Il y a 10 équipes environ là-dedans. Comme j'ai les contrôles, le pass, tir, slap shot, le hooking, slashing, poke, plaquer les hip check, tout ça marche super bien. Les combats sont le fun, puis jouer avec des chums, c'est parfait. Nous autres, on a joué à ça la soirée du podcast, puis c'est quasiment rendu notre pre-show. À ce temps, on va se faire une petite saison. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis les développeurs sont cool aussi. Arcade Montréal, ils étaient super smart avec nous autres. Ouais, il a fait un pendant petit vidéo, le live, puis... ils ont produit un vidéo, ils ont envoyé un vidéo dans lequel ils parlent, ils nous remercient, puis ils expliquent un peu la game. Puis ils étaient présents dans le chat. Du tournoi, puis ils répondaient au monde, puis à la fin, ils nous ont dit merci sur Facebook. Tu sais, les gars, ils sont présents, ces médias sociaux. dans l'Internet d'aujourd'hui. Yes. Ouais. C'est important. Gagne des points avec c'est ça. C'est tellement intelligent, me semble, pour une gang de Canadiens de faire un jeu indépendant de hockey. C'est comme, il y a ouais, c'est surprenant que ça soit pas arrivé auparavant. C'est ça. Hein. Ben ouais, c'est ça. Comme, tu sais, tu vois qu'ils ont focusé vraiment sur le gameplay. T'sais, les animes, ouais. Tout n'est pas tout à fait là, mais bon, tu s'affites avec mais le. Quand, quand tu caches la vitesse, puis tu caches qu'il y a le momentum, il y a les hip checks, t'as comme une stratégie à avoir. C'est ça. Faut que tu le fasses expliquer parce que tu peux le pogner end zone, mais tu comprendras pas ce qui se passe. Comment c'est slow de même. Puis vas-y avec un mode deux boutons, mais le mode deux boutons, je trouve que tu pas assez. Tu veux avoir le contrôle total. Là. Mes seuls petits bémols pour le jeu, il y a une couple de crash encore une fois sur PlayStation en ce moment. Ouais. Steam aussi. Plus ça va, plus ils corrigent dans le fond les crash. Là, à chaque jour, je vois, OK, ben release update of the day, on a corrigé tel crash. Fait que c'est un jeu qui est continuellement en correction. Bon, comme je disais, les contrôles un peu stiff, tu finis par t'habituer à force de jouer. Il n'y a pas de mode en ligne, ça risque de venir, mais je peux pas le garantir, c'est pas annoncé officiellement. Puis il y a un cheat qui débarre tout si jamais vous êtes pas patient. Je vais vous le dire, attention, prenez des notes. En haut. En bas, gauche-droite, rond X. J'espère que vous avez retenu le Konami Code, tout le monde. Je l'avais dit en let's play, j'étais pas sûr que j'avais le droit de le dire, mais ils l'ont dit pour que le monde arrête de chialer un peu. Là, fait que, mais non, fait que pour toutes ces raisons-là, puis pour le fun que j'ai eu, honnêtement, je vais lui donner un gros 8 sur 10 à ce jeu-là. Nice. Puis le fait que les développeurs soient vraiment là, à l'écoute des critiques, puis le fait qu'ils répondent, puis qu'ils en donnent, puis ils veulent tout corriger. Pour moi, c'est un jeu que je vais revenir souvent. Moi, je pense que ces gars-là, ils vont faire un peu d'argent avec ça. Là, ils vont dormir, ils vont manger. Puis quand ils vont faire le 2, là, le 2, il va être là, ça accroche. Puis ils vont sûrement se trouver du monde pour pousser le graphisme un peu. Ça, c'est drôle, ça fasse boboche. Parce que ça pourrait être boboche propre. T'sais, comme. Parce que au début, moi je l'ai reçu, puis la première heure, je vous avais chatté, je suis comme, ce jeu-là, c'est de la grosse merde. Je reçois, parce qu'il y avait un lag. Volontaire au début, tu recevais à pas, puis t'avais une seconde que ton gars il bougeait pas, tu sais. Ouais. Hey boy, ça, c'est eux qui l'avaient mis pour ralentir le jeu, pour justement favoriser les checks. Ah. Ils se sont rendus compte que, ouais, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, ils l'ont enlevé, puis là, c'est devenu tight tout d'un coup, parce que ça devenait tight quand t'avais le momentum. Ouais. Mm-hmm. Mais ils apprennent beaucoup, là, je pense. Ah non, mais c'est ça. Fait que c'est une bonne compagnie, tu sais, je leur lancerai pas des rushs pour vrai, c'est un excellent produit, là, puis c'est autre chose que ce qui est proposé en ce moment pour les jeux de hockey. Puis, local multiplayer, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous pouvez jouer jusqu'à 4 en même temps, dans la même équipe ou séparé en deux équipes. fait que j'ai hâte de voir ça à Switch. Ça va être merveilleux d'avoir ça sur la Switch. Ouais, ouais. Ben ouais. Camping, ça va te monter la game d'une shot. C'est vrai. Fait que, right. Fiez-vous pas aux critiques qui sont sorties avant que le jeu soit sorti, parce qu'il y a des patchs qui sont sortis pendant le pre-launch. Ouais, mais tu sais, c'est le genre de jeu que. Et de toute façon, tu vas aller chez quelqu'un, tu vas le jouer. C'est ça, ça. Tu vas revenir chez vous, tu vas l'acheter, c'est pas trop cher, tu sais. Puis ça va faire du bouche à oreille. Mais c'est ça. Attendez-vous juste pas à avoir un jeu à NHL 2017, là. C'est pas EA Sports, là. Ben, c'est pas NHL. C'est un jeu indépendant, c'est ce que c'est. Puis c'est un beau jeu de slapshot pour moi. Yes. Ça assouvit ma soif de violence et de gros crush check dans la face. C'est vraiment beau. Super, voilà. Fait qu'on va à la pause. Après ça, on va faire une critique de Zelda Breath of the Wild pendant que Dom va jouer les 30 premières minutes de Zelda. Nice. On vous revient. Désolé pour le monde live, on a un petit problème technique, mon logiciel a planté complètement. Ah, des affaires qui arrivent. Des choses qui arrivent dans ton hockey, toi là. Ouais, ça a tout cassé ce hockey là, au moins. Crush check. Yes. Fait que là, on va faire une autre critique, mais une critique. Non, Dom, remets ça là, s'il te plaît. Tu vas tout péter le setup en temps. Tu vas jouer directement. C'est un fil maintenant là. Ah oui, c'est vrai, je vais jouer sur la télé avec une manette. En espérant que ça fuck pas mes affaires. Bon, merde, c'est revenu, okay, c'est bon. Hey, je m'excuse. Non, c'est bon. Moi, je suis là que je prends des libertés. Fait que, vas-y, mon Bruno, introduis. Yes. Fait que, on va faire la critique définitive de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Brise d'écurie, comme on l'appelle. Brise d'écurie, comme tu l'appelles tout le temps. D'ailleurs, j'ai des screenshots de derrière de cheval sur mon. Ouais, je suis le bord de faire un même bientôt. Ouais. L'Alain du Sauvageon. J'ai hâte de faire aussi, mourir bon, ton ça. Cheval. Ouais, Alain du Sauvage, c'est très bon. Le Sauvageon, parce que, tu sais, dans les Wildlings, dans Game of Thrones, dans la version française, ils appellent les Sauvageons. Ah ouais? Je suis comme. Ça fait moins méchant. Eh oui. Wildlings, Sauvageon. J'ai jamais écouté Game of Thrones. C'est le fun. Moi non plus en français. Mon frère, elle écoute comme ça. Les sauvageons. On se comprend pas, puis on parle la même série. Ouais, exact. Les Wildlings, là. Ah, oh, les sauvageons. Ça sent bien, ça, en plus. Hey, hein? C'est oui, oui, oui, ça sent bien, crime. Juillet, puis ça fait va jouer donc, en deux parties. Tu prends cette magnifique Pro Controller pour jouer à Zelda. Fait que là, c'est ça, ce soir, là, comment qu'on va faire ça? En fait, oui, vous avez entendu parler de Zelda en masse. Nous autres, on veut juste donner notre opinion. On a passé beaucoup de temps avec. Quand même, ouais, on a pris notre temps. Beaucoup de temps. Beaucoup. Puis c'est un jeu qui est très gros. Beaucoup. Fait que pas Neo Turf Master. Je peux te jouer à Shock Troopers. S'il vous plaît. Non, pas Breath of the Wild. J'essaye. Okay. T'es choisi fait que c'est ça. Dom avec le petit Star Fox que oh, je t'ai dit. Ben, scrape pas la save. De... Non, je veux pas scraper ta game. Je pas t'es... parce que je suis dans un genre de gros labyrinthe avec des Guardians. Tu seras pas content quand tu vas embarquer là-dedans. Ah, là. Tabarnouche. Ok. Fait que c'est ça, bref, on y a joué. On va moi, se mettre à l'écran aussi, tu sais. Voilà. Moi et GF, y avons joué sur Nintendo Switch. Ouais. Dominique également présentement sur Nintendo Switch. Et puis, toi, Fred, moi, tu as joué sur la Wii U. Ouais, la version paysan. La version du gars qui a pas fait, qui a pas annulé son pre-order finalement. Ouais. Ben, c'est correct, ça. Ben, écoute, je pense que j'avais jamais autant utilisé ma Wii U. Tu sais, j'avais joué un peu toutes les affaires, là, mais je regardais le petit carnet de qui garde en suivi Fred toutes les sessions de jeu. Oui. Puis, j'ai eu peur. J'ai eu peur un peu. Oups. Ah non, il y a du stock en tabarnouche, mais une affaire que j'aime beaucoup, moi, de ce jeu-là, en fait, c'est que... Tu sais, tu le vois que c'est Nintendo. Nintendo, jusqu'à date, une des choses que j'aime le plus, ben jusqu'à date, juste depuis le début, c'est que il te montre le jeu sans que tu aies l'impression de faire un tutorial. Jamais. Ouais. C'est jamais écrit tutorial. Tu n'as jamais l'impression d'avoir un tutorial. C'est genre, c'est la façon que les choses sont placées qui fait que tu apprends les mécaniques du jeu tout seul. Ouais, ben, toute la zone du début, finalement, c'est comme. Oui. C'est le seul truc qui est obligatoire, finalement. C'est le tutoriel, exact. Parce que c'est là qu'on te donne. Ben, t'avances, tu vois qu'il va falloir que tu grimpes. C'est fait ça. Que là, tu vois le stamina pour grimper. C'est ça. La tablette, parce que là-dedans, pour les gens qui ont jamais joué ou qui vivent en dessous d'une roche présentement. De chez Simon, c'est pareil. Oui, c'est beau, hein? Papi. T'es trendy en tabarnouche. Non, c'est ça, Link qui est rendu avec un Galaxy Tab. Ouais, exact. Un modèle 8, là. Il pète pas celui-là. Là. C'est ça, il y a une tablette. Il appelle ça la tablette Sheikah. Ouais. Yeah, Sheikah Slate. Sheikah Slate. Pis, la boule en bouche. Pis c'est ça, direct au départ, on te la donne. Puis ça, tu vas utiliser ça pour avoir accès à tes données, ta carte, dans le fond. Tu vas pouvoir aussi l'utiliser pour interagir avec certains objets, des espèces de trépieds dans lesquels tu vas mettre ta tablette. Puis ça va ouvrir des portails ou des trucs comme ça. Dans Zelda-là, grosse différence, ben c'est un open world. Puis là, en passant, tu sais, je sais que vous êtes probablement trois dans la gang à pas savoir trop c'est quoi le jeu jusqu'à date, mais je le dis quand même. Tu sais, c'est ça, là-dedans, c'est le premier open world de Zelda, puis vraiment le premier qui est vraiment open world, parce que justement, dans un Q&A, il y avait les créateurs qui disaient qu'au moment de faire Skyward Sword, eux autres, c'était ça qu'ils avaient en tête. Ils voulaient vraiment faire un open world, puis le processeur leur permettait pas, puis c'est pour ça qu'ils ont fait des petites zones où tu drops, en fait. Ouais. Mais au départ, ils ont toujours voulu faire une expérience open world. Puis le fait que ça soit open world, ça fait que là, tu peux t'en aller à peu près n'importe où. Mais on te le montre assez rapidement, hein, quand même, tu peux pas aller n'importe où. Ben, c'est ça, la première zone, c'est vraiment... en fait, c'est la seule partie du jeu où, est-ce que comme je dis tard, t'es vraiment barré, mais en fait, tu comprends un peu l'immensité de la patente. On donne tes habiletés, finalement, t'as 4 habiletés dans le jeu. Ouais. On te les introduit toutes là. C'est un peu comme ton tutoriel, mais c'est vraiment un trial by fire. Là. Ouais. On te le donne, tu comprends l'ampleur de la chose. Puis dès que tu réussis à maîtriser quelque chose, finalement... On te donne une nouvelle habileté, puis on t'en redonne une nouvelle, puis là, tu sais, ça t'ouvre toujours plus de possibilités. Puis là, à un moment donné, quand t'as récolté les 4, ben là, on te lance dans le world, puis vraiment, c'est là que yes. J'ai pogné un vieux pantalon. Je vais aller dans ma sacoche. Yes. Prendre mon vieux pantalon. C'est ça, t'es rendu maintenant à niveau étudiant. Tabarnak. Pour aller au cégep. Ouais. Oui. Il y a un chapeau haute forme aussi, un peu plus loin. Là. Puis, le truc que j'ai trouvé le plus extraordinaire quand on t'a ouvert les portes du monde, c'est que on t'a dit il faut que tu ailles au Kakariko Village parce que c'est quand même des locations qui sont quand même typiques. Puis c'était le personnage t'a dit c'est par là-bas. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de chemin clair et tout. Non, c'est juste, ça. Tu regardes les montagnes, là, tu passes entre les deux montagnes, puis tu vas pouvoir te rendre à Kakariko Village. Exact. Puis là, tu te perds. Non, c'est ça. Ça te donne pas de. À toutes les fois que tu as un. C'est ça, quand tu as des side quests, en fait, tu n'as pas de points genre, OK, faut que tu fasses ça. Puis là, genre, tu as un point sur ta map qui dit c'est là, faut que tu ailles. C'est non, faut que tu écoutes ce que le gars il dit. Puis fais-les comme du monde. Faut que tu parles au monde. Puis ça peut être intéressant, ça peut être choquant des fois quand même, parce que là, tu t'en souviens plus. Moi, c'était rendu que dans ce jeu-là, je faisais des screenshots de mon écran sur la mémoire de la Switch. Avec la caméra. Ouais, avec la caméra, puis j'allais les revoir pour revoir qu'est-ce qu'il avait dit. Parce que, crème, c'est au final, des fois, ça devient un peu mélangeant quand ils te donnent les indications. Là. C'est certain que, en fait, ce qui est vraiment le fun, on en parlait un peu avant, c'est que ça rappelle beaucoup les autres Zelda, mais pour une fois, au lieu d'être un peu dans la formule de A Link to the Past, puis tu sais, vraiment la progression basée sur les items, puis débarre les zones, puis débarre les zones et tout, oui. Là, on est vraiment dans Zelda 1. Oui. Où est-ce que, écoute, tu peux manquer l'épée au début, puis te lancer dans le jeu, puis mourir. Exact. Ou tu peux aller dans le mauvais dungeon en partant, puis te ramasser dans une zone qui est complètement trop difficile pour toi. Mais t'as le droit de le faire. Oui. T'as le droit de le faire, puis on t'apprend assez rapidement que pas que t'as pas d'affaires là, mais que tu peux juste pas. Tu peux faire ton frais pour montrer que tu peux, mais tu peux pas. Mais en fait, il y a du monde sur Internet qui ont réussi à combattre des grosses bébites avec un bâton et des bobettes. Ça se fait quand même. J'ai vu un gars battre un genre de gros cheval avec une roche. Ouais. Rien d'autre qu'une roche. C'est juste comme amener la roche vers lui. Il a coté un peu, il tapait dessus. T'sais. Hey, c'est incroyable ça, pareil. Il y a une affaire dans le jeu-là qui est fantastique, je trouve, c'est qu'ils ont adapté ça un peu aux méthodes de pensée réelles. Fait que si c'est métallique, t'as un objet de métal, ça va marcher avec du métal. Fait que tu penses autrement, tu sais. Oui. C'est ça. Moi, ça m'a. Pendant que Dom découvre le monde. Là, Ah, ça, c'est magnifique, ça, premier. Moi, ça m'a rappelé Half-Life 2. Ah, Half-Life 2, c'était le premier jeu vraiment où est-ce qu'on avait un monde avec beaucoup de physique. Oui, c'est vrai. Des casse-têtes qui venaient avec. Tu sais, je me rappelle au début du jeu, maintenant, il faut que t'as une planche, puis t'as comme une place que tu vas atteindre. Puis là, quand tu montes sur la planche, évidemment, ça fait un ballon parce que t'es lourd. Oui. Faut que tu comprennes que tu ramasses des boîtes puis tu la mets sur la planche pour que ça soit assez pesant. Puis je me rappelle à l'époque, ça m'avait comme c'est ça m'avait vrai, un ça. Peu impressionné parce que c'était vraiment une façon de penser qui était réaliste. Tu sais, c'était tout avait comme vraiment une physicalité. Puis dans Breath of the Wild, il y a ce côté-là qui revient beaucoup. Tu sais, justement, comme Jeff dit, tu peux ramasser de la roche pour pogner l'ennemi. Tu peux. Tu sais, je voyais des trucs, les développeurs ils montraient là, comme de couper l'arbre, de le faire pogner en feu, de le faire rouler la colline pour qu'il tombe ses ennemis. Puis là, après ça, avec le feu que ça a dépensé, tu peux planer avec ton planeur parce que le feu libère de la chaleur qui te fait des poches de montée, un peu comme dans Père Hot Wheels. Tu sais, c'est vraiment à des niveaux d'émergence qui sont vraiment assez impressionnants. Puis tu sais, tout est très calculé. Tu sais, je donnais l'exemple tout à l'heure des planches dans Half-Life où est-ce que tu montes puis là ton poids il te fait descendre. Mais tu sais, Nintendo a quand même décidé des fois de couper un peu dans les trucs qui étaient rendus trop complexes. Tu sais, c'est si on te fait mettre une planche et tout en équilibre, ben tu sais, Link des fois il va pas avoir de poids nécessairement pour la faire tomber de la planche parce qu'on se dit au final, tu sais, ce qui est important dans le casse-tête, c'est que tu comprennes que tu peux prendre cette planche là pour la placer ici. Tu sais. Donc, on a quand même rendu la chose accessible. Ça, c'est vraiment assez extraordinaire. C'est, la facilité, finalement, avec laquelle on peut comprendre le monde. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve pas beaucoup dans les jeux. Après, Half-Life 2, il n'y a pas vraiment eu beaucoup de jeux comme ça où le monde en tant que tel avait des logiques aussi fortes puis aussi palpables que ça. Là. Ouais, c'est ça. Ben en fait, c'est si tu y penses, c'est que ça se fait. C'est ça, exactement. C'est tout le temps de même, comme tu vois, tout ce que tu peux faire avec le feu, c'est assez intéressant. Savoir aussi que si tu frappes un silex avec un autre, ça peut te donner du feu aussi. Tu sais, toutes les choses aussi par rapport à la physique, par rapport au truc que tu débarres, comme justement, il y a une affaire qui gèle un objet, puis tu frappes dedans un nombre de fois, puis là, ça le fait voler dans telle direction. C'est vraiment cool. Là. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, moi, j'ai découvert sur le tard que tu pouvais frapper cet objet-là, t'accrocher après l'objet, puis partir super loin, tu sais. Sauter, smasher le monde à terre, tu sais. Tu découvres des affaires. Ça aussi, c'est une affaire qui est le fun de ce jeu-là, en fait. C'est que tu découvres des affaires, puis toi, tu t'es là puis tu dis qu'il y a une crime. Mon aventure est incroyable, mais tu parles à un chum puis lui, il l'a fait complètement différemment. C'est ça. Puis c'est le fun, tu sais, c'est toutes les discussions qu'il y a autour de ça sont extrêmement animées d'une façon que, qui n'est pas arrivée avec un autre Zelda auparavant parce qu'on est habitué à une certaine façon de faire. T'as une aventure, puis c'est la même pour tout le monde. C'est ça, c'est exactement ça. En général, Zelda, t'as un donjon, t'as un puzzle, t'as une façon de les résoudre maintenant. C'est plus ça, c'est que. Imagine ta solution, tu sais. Ouais. Ah ouais, j'ai vu des gens le glitch. C'est même pas du glitch là. Non, c'est du jeu. C'est rendu là pour vrai là. Ben d'ailleurs, parlant de donjons, là, c'est une grosse différence. Il n'y a plus de donjons. C'est des shrines maintenant. Oui. Puis les shrines, c'est comme des petites arènes souterraines dans lesquelles t'as un défi. Puzzle. En gros, c'est vraiment comme si on avait pris un donjon et on l'avait séparé en 10 donjons. Ouais, exact. Puis on l'avait éparpillé. Vous en pensez quoi de ça, justement? Est-ce que... Moi, sérieusement, au départ, j'étais très excité. Puis après une trentaine d'heures dans le jeu, je voulais juste finir quand je rentrais dans les shrines parce que je trouve que ça l'a enlevé. Tu sais, les donjons avaient toute une certaine personnalité. Oh, il y avait un côté très creepy à ça, tout ça, que j'aimais. Puis les shrines, l'affaire, c'est que tu rentres, puis c'est toute la même affaire, c'est tout le même look. Ils n'ont pas de personnalité, ils n'ont pas de oomph. Sauf que tu l'histoire sais que... L'histoire l'explique quand même un peu. Oui, oui, c'est ça, l'histoire l'explique. Puis explique pourquoi ils sont tous pareils, c'est parce que ça vient tout de la même technologie. Quand même. C'est limite, là, mais... C'est limite, mais ça s'explique. Puis tu sais, au moins le fait que ça te donne une orbe qui va te permettre de faire grossir tes cœurs ou ton endurance, bon, il y a quand même quelque chose de le fun. Puis aussi, ça devient un checkpoint. Exactement, aussi sur ta carte. Fait que ça te permet de faire du fast travel à gauche puis à droite. T'sais. Moi, justement, le côté justement de l'avoir casser les donjons en plusieurs petits donjons. Ce que je trouvais qui était vraiment intéressant, c'est en termes de rythme de jeu. Moi, je l'ai joué sur Wii U. Mm-hmm. Puis ce qui m'impressionne, c'est que ce jeu-là était développé à la base sur Wii U. Puis finalement, c'est un jeu parfait pour la Switch parce que, tu sais, justement, dans le portable, on le sait, on a besoin d'avoir des expériences que tu peux arrêter un peu à tout moment. Puis t'as pas de gros donjons. Tu sais, y a pas le temple de l'eau que tu pognes pendant 3 heures de temps à péter la tête de ses murs. Tu sais, t'arrêtes de jouer, tu reviens le lendemain, t'as plus aucune idée, t'es rendu où. Là, tu sais, t'as comme toujours des moments où est-ce que tu peux arrêter de jouer, puis tu peux, t'as toujours des pas juste des checkpoints, mais vraiment des moments où est-ce que dans ton gameplay, tu peux prendre une pause là, puis tu reviens, tu peux... Non, puis c'est aussi quand t'arrives au shrine que tu débloques le fast travel, ce qui fait que même si tu le réussis pas, tu peux y revenir par la suite. D'ailleurs, c'était la première carte dans un jeu que j'utilisais vraiment pour mettre des markers différents. Ouais, différents types de collants. Là, j'ai comme, OK, là, ça, c'est un shrine. Ça, celui-là, ici, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Ça, c'est vraiment cool. Ouais, il y a des bons outils par rapport à ça. Puis, tu sais, on parlait aussi de donjons. Là, maintenant, dans le fond, ce qui remplace les donjons, là, pour ceux qui sont pas très avancés dans le jeu, mais c'est un peu un mini-spoiler. Mais bon... sont remplacés finalement par les Divine Creatures, espèces de gros robots géants qui, eux, sont un peu plus comme un grand puzzle. Donc, puis moi, honnêtement, j'étais vraiment... La première fois que je suis tombé dans un de ces puzzles-là, je suis vraiment tombé en bas de ma chaise. J'étais comme, c'est donc bien génial. C'est un gros casse-tête. Puis chacun de ces animaux-là, parce que c'est comme tout basé sur des différentes créatures, ils ont tous comme une affaire que tu peux contrôler finalement. Oui. Qui change complètement le puzzle. Exact. On est beaucoup, je pense, à avoir commencé par les auras avec l'éléphant qui lance de l'eau. Puis en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut bouger la position de la trompe. Puis à ce moment-là, ça fait que l'eau va tomber à un endroit différent dans le donjon. Donc, activer des mécanismes dans différentes directions. Parce que si tu lances l'eau à gauche, ça va pas activer la même chose que si tu lances l'eau à droite et tout. Puis c'était vraiment comme une impression... vraiment dans un truc gigantesque que tu dois absolument comprendre et tout. Moi, ça je trouvais que c'était super cool. Ce qui était cool aussi, c'est c'est comme si le donjon est un ennemi, puis qu'à la fin, tu combats cette espèce d'affaire gigantesque-là. Ouais. Moi, d'ailleurs, c'est une autre affaire aussi. Je trouve que ce jeu... je voulais faire. Okay. Ça, je voulais faire un pas sur toi. Ben justement, là, se craper à la viande, là. Dom, il c'est du bon manger, ça, ici. Dom, il se bat contre les mots gobelins. Oui. En fait. Ouais. Puis, ça, c'est. Moi, je trouve que c'est. Dans ce jeu-là, je trouve que c'est l'ennemi le plus cool. Ils ont vraiment créé une personnalité. Ça, j'ai mon club en feu, man. C'est carré. Wow. T'as plus la viande, mais t'as le club. Exact. Ah, mais c'est ça, le fait de. Le système de combat a vraiment été amélioré là, à des ça ressemble beaucoup à Wind Waker. On est beaucoup avec le timing qu'il y avait qui était très simple. Exact. Là, que tu peux justement faire. Ben là, je pense pas que Dom va être capable de le faire. Ah non, mais... c'est plus difficile à masteriser quand même. Là. Puis. Tu sais, moi, je trouve que ces personnages-là sont le fun, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'en tout et partout, le Overworld est tellement fun. C'est à l'extérieur que ce jeu-là est vraiment grandiose. Dès que tu te retrouves à l'intérieur, on dirait que c'est là que c'est comme moins intéressant. C'est le fun parce que ça fait comme un parallèle un peu avec le titre, puis avec l'idée justement de la princesse. Pour ceux qui ont complété le jeu, évidemment, on n'a pas révélé la fin, mais on comprend un peu mieux la fleur dans le logo. Ouais. C'est assez intéressant, justement. Bon, toute une analogie justement avec la princesse, puis bon, maintenant elle parle d'une fleur dans le jeu qui est une fleur qui peut pas pousser en captivité et tout. Je rentrerai pas trop dans les détails, mais les Silent Princess, c'est le truc. Mais moi, je veux revenir sur... on parlait justement des ennemis, là, les Mogoblins. Les Mogoblins. C'est ça. Eux, c'était vraiment leur ennemi de base qu'ils ont fait dans le jeu. Tu sais, j'ai écouté un peu le making-of, puis ils expliquaient que, OK, on va mettre tous les comportements dans cet ennemi-là. Exact. Ça va vraiment être le benchmark, finalement, de pour toute l'AI du jeu. Donc, ils réagissent vraiment à tout. C'est super drôle. Des fois, tu les approches, puis ils sont tout autour du feu, puis ils se mettent à danser, puis tu sais pas trop pourquoi. Puis là, la pluie à part, puis là, le feu s'éteint, puis ils sont rendus tout tristes. Puis à ce moment-là, il y a plus de chances qu'ils te détectent, finalement, et tout. Parce que, tu sais, les ennemis... En fait, un autre truc qui est intéressant, c'est qu'il y a du stealth dans ce jeu-là maintenant. Ouais. Beaucoup plus qu'avant. Mais moi, je suis un gars de ce genre de jeu-là, justement, les jeux de stealth, puis ça m'a surpris de voir Nintendo. Tu peux faire bien des affaires avec le stealth. Tu peux monter sur un ours, tu sais, comme à l'arrière. Tu peux rider n'importe quoi, là. Bon, va pas porter ton ours à l'écurie, ils sont pas contents quand tu fais non, ça. Non, c'est ça. Hey, c'est un ours, qu'est-ce que tu fais là, va-t'en? Non, mais ça, c'est hot, puis tu sais, Toutes les ennemis qui ont été designés là-dedans, c'est le fun parce que malgré le fait qu'il y en a que t'as jamais vu, tu te rends compte rapidement que tu peux les combattre. Puis il y en a d'autres que tu te rends compte que tu peux pas les battre pantoute. Puis t'apprends rapidement que c'est correct de te sauver comme un peureux. Parce que des fois, t'as pas de pouvoir, t'as pas de force, t'as pas assez d'armes, parce que tes armes brisent là-dedans aussi. Ah non, ça c'est... Fait que ça, tu sais, au départ, moi, ça me faisait vraiment chier que les armes, ils brisent. Puis j'ai commencé à comprendre puis à apprécier le fait que les armes brisent parce que ça faisait que chaque game était tout le temps différente. Puis que quand t'attrapes une arme que tu trouves cool... Là, t'es comme ta voix qui commence à rougir, à perdre la valeur. Puis là, tu fais comme, je veux pas en perdre tout de suite. J'en garde pour un moment important. T'as garde, même si c'est pas un bon hit. Puis aussi, j'ai appris dernièrement que tu peux, quand t'as une arme qui est quasiment plus bonne, mais qui était quand même assez forte, si tu la lances comme projectile au visage, ça fait vraiment un blow légendaire. Non, ça frappe plus fort, en fait. Je sais qu'il y a des ennemis, les Octorok, qui aspirent, que tu peux leur lancer des bombes. Je pense qu'eux, tu peux leur lancer certaines armes puis te les répare. Okay. Wow, tout ce qui est Rusty Weapon. Oh non, il y a plein de trucs secrets. C'est ça qui est le fun dedans. C'est vraiment hot. La Master Sword, elle pète pas, elle, toujours? Ah non, mais elle a quand même un mécanisme un peu similaire. On devrait pas en parler, mais... Ah ouais, je suis pas rendu là. En fait, la Master Sword, c'est qu'ils te disent pas où dans le jeu. Faut que tu la trouves. Exact. Moi, ça m'a rappelé le booklet au Super Nintendo là, que tu regardais. Puis il y avait comme, tu sais, genre l'épée Excalibur, là, parce que c'était en français. Puis dans la forêt, puis là, j'étais comme, tu dis, hey man, cette place-là, ça va être cool. On va aller dans la forêt, puis on va trouver cette épée-là. Puis là, tu le fais, tu le vis. Les persos, ils te parlent de, il y a une épée et tout, mais personne te dit, il faut vraiment que tu la trouves. Puis là, même Epona aussi, c'est la même affaire. Hein? Personne t'en dit. Personne t'en dit que c'est dans un amiibo. Marketing. Mais, pour revenir sur la progression, parce que moi, c'est là que j'ai trouvé... T'sais, je suis concepteur de jeu, fait que toi, que ces affaires-là me touchent plus, mais puis tout le monde est un... Il y a beaucoup de gens qui ont été un peu refroidis par ça. Puis moi, j'ai tellement trouvé ça génial. En fait, comme tu disais tout à l'heure, on peut aller vraiment n'importe où dans le jeu. Il n'y a plus rien qui nous bloque. En fait, ce qui nous bloque, c'est vraiment les ennemis et tes items. Oui. Tu sais, toute la progression du jeu est vraiment basée là-dessus. Dans le fond, c'est comme si chacune des armes avait un nombre de points de vie. Puis à chaque fois que tu les utilises, tu les consommes et tout. Puis en revanche, évidemment, ben, tu sais, les ennemis qui sont difficiles vont avoir plus de points de vie que les ennemis faciles. Ce qui fait que, ben, techniquement, si ton arme est vraiment pas bonne et elle fait pas beaucoup de dommages, ben, il va falloir que tu tapes vraiment beaucoup sur un ennemi. Puis si ton arme a pas beaucoup de points de vie, ben là, évidemment, tu vas en avoir besoin de 8 armes pour tuer un ennemi de haut niveau. Puis ce que ça fait, c'est que finalement, ben, tu comprends assez vite quand tu arrives face à ces ennemis-là que, ben, ok, non, je suis pas équipé pour. Ouais, faut que tu te prépares. C'est ça. Mais si tu le tues, ben là, tu vas toujours récupérer une arme finalement qui te permet de continuer un peu à monter. Fait que tu montes toujours tranquillement un peu. Puis ça, en fait, ça te permet d'explorer. T'sais, au début du jeu, tu as les Lynels, les espèces de. Je sais pas comment ils appellent. C'est comme français. Des centaures, en fait. C'est ça, les espèces de centaures qui sont vraiment terrifiants. La première fois que tu en pognes un, ah ouais, il te voit au loin, il y a un petit point d'interrogation. Tu dis, ah shit! Il te démolit. Tu veux pas y aller, là. C'est ça. Puis, tu sais, un moment donné dans le jeu, finalement, tu te mets à les grinder littéralement là, pour pouvoir avoir les crafting materials. Tu sais, tu comprends la stratégie de comment les battre. Tu sais que ça prend tel item pour être capable de mettre un bon combat solide. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment ingénieux, en fait. C'est que ça permet d'ouvrir les portes du jeu au complet. Puis après ça, c'est vraiment une question de à toi, finalement, de décider comment tu vas approcher ce challenge-là. Est-ce que je vais tout dépenser mes armes ici? Est-ce que je vais plutôt décider d'aller dans ce coin-là parce que ça va me permettre de récolter des armes qui vont être encore plus fortes? Oui. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien balancé. Ça donne beaucoup de possibilités, en fait. Non, puis il y a aussi les tours, justement, qu'on voit là. Tu sais, ces tours-là, c'est la même affaire que les tours, admettons, dans Far Cry. C'est ça, dans... exactement. C'est le système Ubisoft, exactement, en fait. Exactement, qui a comme dépassé ça. C'est le fun. C'est fou. Ça s'est devenu une inspiration pour plein de jeux. Mais tant mieux, dans le fond. Mais il y a beaucoup d'inspiration de plein de jeux. Là, ben, c'est ça. Moi, je trouve que... Oui, exactement. Ils se sont inspirés de plusieurs jeux, chose qui... faisait pas auparavant. Ben exactement, Nintendo a puis c'est pas mauvais, tu sais. Ben oui, c'est extraordinaire de voir enfin un jeu Nintendo, on dirait, qui est ancré dans la modernité, parce que les jeux sont quand même modernes. Ouais. Mais tu sais, je veux dire de sentir que, ah ok, non, ils ont porté attention. Tu sais, moi j'avais noté justement un peu quelques inspirations. T'sais, évidemment, ben comme Ubisoft, là, qui est un peu avec justement le climbing, là, de pouvoir grimper partout, qui rappelle beaucoup Assassin, les tours. Ben ça rappelle aussi Colossus, ça me faisait penser à Shadow of the Colossus. Colossus, exactement, le même principe de avec la stam et tout, évidemment. Exact. Moi, je trouvais que le stealth aussi me rappelait beaucoup justement un stealth qui est plus... un peu plus permissif comme des fois dans Assassin's Creed où est-ce que c'est beaucoup mais c'est arcade c'est ça, c'est vraiment pas trop compliqué. Évidemment, et Skyrim, là, les développeurs l'ont dit eux-mêmes que c'était vraiment une grosse inspiration pour eux. Dawnstar, moi je trouvais que en termes de survival un peu light, mais tu sais que tu comprends assez rapidement qu'est-ce que tu as besoin de faire et tout. C'est vrai. Je trouve que il y a aussi évidemment il y a Monster Hunter, ils en ont parlé quand même. Monster c'est indéniable Hunter, qui... Ben d'ailleurs, la cuisine là-dedans, cuisiner des affaires. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. À partir de quand je peux cuisiner? Tu peux cuisiner n'importe quand, mon gars. Faut faire des pogos, là. C'est... Ouais, c'est ça. Je voudrais cuisiner tout de suite. Faut que tu trouves un feu avec un bol par-dessus en métal. Ouais, exact. Ah, c'est ça. Faut trouver ça. Que tu tires des items dedans. C'est le... Moi, j'aime ça quand tu cuisines, puis tes aliments se brassent, puis t'as une toune qui part parce que tu viens de débarrer de quoi. Comme... Oh, je viens de trouver une recette incroyable. Ben, mais c'est au hasard complètement. Faut que tu lises les propriétés des objets et des aliments que tu trouves. Ok, ça avec ça devrait donner un bon mix. Ouais. Il y a ben moi c'est souvent une viande avec un épice, puis des fois je mets un petit légume à côté, puis hop. C'est comme ça que Bruno cuisine. Des fois il y a des marchands qui passent aussi. Pas safe. Les marchands passent puis t'achètes des affaires comme hey, y a le gars il y a du beurre puis du lait, là, tu peux te faire une omelette aux champignons avec ça. Fait en fait tu peux faire un stew aussi. Tu peux faire toutes sortes d'affaires. La viande, le lait, le riz puis attends plus c'est quoi. Tu peux te faire des remèdes avec des insectes que tu vas trouver dans la maison aussi. Il y a beaucoup de grinding à faire là-dessus. Là. Tu peux broyer la cochonnerie pour avoir des bonus. Ben c'est ça, parce que tu peux chasser aussi. Puis tu sais, tout ce que tu vois, en fait, tu peux le chasser. Puis prendre la viande, les sangliers. Si tu tires une flèche en feu sur un sanglier, ça te fait une belle viande braisée, c'est merveilleux. Waouh! Ça, c'est quand on parle de c'est dommage, ça. La première fois que tu fais ça, t'es comme, ben voyons donc. Je l'ai brûlé, fait que ma viande est cuite. C'est ça. Tu peux même prendre ta viande, aller dans le Death Mountain, qui est une zone qui est un volcan. Ouais. La mettre à terre, puis attendre 2 secondes, puis elle va cuire. Tu peux la ramasser. Sinon, tu peux la prendre, puis aller la mettre dehors, dans la neige. Là, ça devient glacé. Fait que tu sais, c'est vraiment. Tout est logique. Moi, il y a un truc, ok, tu sais. Comme je dis, je fais des jeux un peu dans la vie. Un peu. Puis quand la pluie, tu sais, bon, la pluie, ça, c'est un sujet tabou aussi dans le jeu. Mais tu sais, généralement, dans un jeu, quand il se met à pleuvoir, il pleut partout. Parce que tu sais, on a une détection qui détecte que hey, là, t'es à l'abri et tout. C'est coûteux, c'est compliqué. Ben, eux, ils l'ont. Fait que des fois, quand il y a de la pluie qui tombe dans le jeu, en fait, ça t'empêche de grimper. T'sais, tu glisses parce que les parois sont mouillées. Par contre, tu peux trouver des parois qui sont un petit peu comme. Vers l'intérieur, puis sont couvertes, puis à ce moment-là, celles-là, tu peux les escalader parce que finalement, elles sont à l'abri de la pluie. Moi, ça m'a fait capoter. J'étais comme, ben voyons. Ouais, c'est fou qu'ils aient pensé à ça. En fait, c'est tout simplement, tu sais, leur philosophie à eux, tu le vois que c'est, hey, est-ce que c'est logique? Ouais. Oui, bon, ben, il faut que ça fonctionne. Ben, d'ailleurs, avec la pluie, il y a des éclairs, puis si t'as une épée en métal sur toi, puis il y a des éclairs, tu vas t'électrocuter, tu sais. Ouais. Ça, c'est ça. Tu l'apprends à tes dépens au début, puis t'es comme, ah, c'est dommage frustrant! Ça, c'est peut-être un des petits bémols, c'est que plus t'avances dans le jeu, j'ai l'impression qu'à un moment donné, les événements aléatoires commencent à être plus récurrents, c'est ça. Puis là, il pleut vraiment beaucoup. Ouais. Ça, puis la Red Moon aussi. La Red Moon qui revient, puis que t'as des ennemis qui apparaissent un peu partout. On dirait que quand c'est trop peaceful, puis t'es dans un endroit où il n'y a pas d'ennemis. Mm. Ah, whoops! Mais la première fois que ça arrive, Terrible par contre, tu te poses des questions. Il y a la grosse musique qui parle. Ouais. Comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Là, ça, ah, la tout devient est un peu rouge. Puis là, il y a comme une ambiance lugubre qui s'installe. Ben, d'ailleurs, parlant d'ambiance, ce jeu-là est vraiment le plus silencieux des Zelda qui existe jusqu'à date. Là. Ça m'a plu, moi, parce que ambiance, c'est le bruit là. De la nature vraiment qui prend le dessus souvent. Là. Puis c'est riche là, quand c'est t'es vraiment... Les bruits de pas dans ce jeu-là, là, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on dirait qu'on oublie. Puis, tu sais... Ah, ça, le vent, tout ce qui t'entoure, quand t'entends un ennemi au loin, c'est juste t'es... En vrai, t'es plus alerte même, à la limite, parce que t'entends tout ce qui se passe. Le sound design est vraiment écœurant. C'est juste musique. Des petites notes de piano à gauche et à droite. Il disait d'ailleurs dans Making Up qu'il n'y avait jamais vraiment eu de piano dans Zelda. Exactement, puis il était réticent à l'idée justement d'avoir une mélodie. Puis moi j'ai tellement trouvé que la musique là-dedans musique était vraiment magnifique. Là. C'est justement, tu sais, il y a beaucoup de pièces qui sont reprises. Là. Il y a des pièces iconiques de Zelda qui arrivent à des moments clés du jeu qu'on ne révélera pas, mais justement, ces pièces-là, quand ça part, là, tu te dis, c'est vraiment. Moi, j'avais des gros frissons. Moi, je suis un fan de Zelda, tu sais, je vais l'admettre. Là. Je pense pas que j'avais autant aimé un jeu de Zelda depuis Ocarina of Time. Je sais qu'Ocarina of Time, c'est le jeu préféré de Dom. c'est mon jeu préféré. À tous les top 25, Dom nous le rappelle. Chie là-dessus à chaque fois. Ouais, c'est ça. Maudit 64. Mais tu sais, moi, j'avais vraiment adoré ce jeu-là. D'ailleurs, j'avais un site web de Zelda 64 à l'époque. Oh, j'étais autoproclamé la référence francophone de Zelda 64. Ah ouais, wow. Oh yeah. Avoir su. Ah, puis des parenthèses. J'ai quand même une parenthèse ici parce que c'est vraiment drôle. Puis, mais à un moment donné, cette année, il y a quelqu'un qui venait acheter un jeu chez moi. Puis en arrivant, tu sais, on jase un peu. Tu sais, c'est correct. Le gars, il vient, puis c'est sympathique. Puis là, il me dit... En passant, moi, je me rappelle de ton site internet de Zelda. Dis-moi, j'ai Zelda64fr.8m.com. J'ai C'est donc bien fun. Je m'en étais servi parce que j'étais bloqué dans le jeu et tout. J'étais comme, tabarnouche. C'est donc bien. Les gars, ben, en même temps, c'est sûr que j'ai un nom de famille qui n'était pas très familier aussi, le Gemus. Donc, c'est ça, je pense qu'il avait stické. Mais bon. Mais bref, fait que j'étais un gros fanboy de Zelda, mais j'avais un peu décroché de la série. Bon. Pour plein de raisons. Tu sais, A Link Between Worlds, j'avais vraiment beaucoup aimé. Ouais. Ce jeu-là, j'avais dévoré à 100%. Là, je veux dire, j'ai tout fait. Là. C'est rare dans les jeux que je fais à 100%. Mais bon, tu sais, en même temps, c'était un jeu qui avait peut-être une vingtaine d'heures au total de gameplay. Là, mais c'était bien fait. Mais ouais, celui-là, il est gigantesque. Là, Je suis en train de faire un burn-out là, un peu. Là. Ouais, exact. J'ai dit toujours que j'ai pas ben le temps de jouer, mais là, mystérieusement, j'ai débloqué 100 heures à peu près de ma vie personnelle dans les dernières semaines, puis je sais pas d'où ça vient, mais bon, j'ai peut-être des choses... Je comprends pourquoi mes plantes sont mortes, pourquoi... Mais moi, il y a une affaire dans ce jeu-là que j'ai moins aimé, puis je sais pas si c'est une opinion populaire ou pas, mais moi, ce que j'ai pas aimé dans ce jeu-là, c'est les boss. J'ai trouvé qu'ils ont aucune personnalité. C'est vrai. Comparément à avant, où dans toutes les... Moi, je suis un gros fan de Skyward Sword, puis Wind Waker, c'est pas mal mes deux bests. Puis, évidemment, Link to the Past, tout ça, mais tu sais, les personnages, les boss ont une personnalité absolument incroyable. Puis, tu sais, t'aimes ces personnages-là, tu finis par les trouver cool, puis tout, même si c'est les boss. Puis, ils ont des patterns, des trucs intéressants qui fonctionnent avec le avec leur personnalité. Exactement, ou leur forme puis tout ça. Ça. Là, c'est comme une espèce de grosse forme globuleuse noire avec un spirit ouais. rose autour. À toutes les fois, je voyais un boss, j'étais comme, bon, OK, frappé c'est dans ça. L'affaire. Exactement. Tu t'en sac un peu au final. Leur design est moins intéressant, forcément, là, parce que, bon, ouais. Visuellement, ils se ressemblent tous. Puis ça, c'est vrai que c'est un peu le bémol, c'est que, tu sais, avant, c'était un peu comme, tu sais, la recette des Zelda était simple. Tu arrives dans ouais. un donjon, on te teasait un peu, c'est quoi, qu'est-ce que tu avais besoin, on donnait l'item, tu faisais dans deux, trois puzzles, tu arrives au boss, puis c'était un peu comme l'examen, là, tu sais, c'était. Faut que tu sois capable d'utiliser l'item de la bonne façon. Ouais. Puis là, forcément, vu que tous les items, on les donne au début. D'ailleurs, Dom vient de pogner le Gravity Gun, a.k.a. le magnet. Eh oui. Ah, c'est ça. Hein? Ah, c'est ça. Ben, tu sais, je te donne un hint. En arrière toi, il y a des portes par terre que tu peux ouvrir. Ouais, c'est vrai. Des morceaux de métal. C'est ça. Ah, mais il y a un ben, cube rose, je veux pas. Ouais, il est trop loin. Il est trop loin. Mais, c'est pas vrai. Rien n'est trop loin. Mais bref, vu que justement c'est le nom, tu donnes tout au début, ben là c'est un peu des fois un casse-tête de trouver qu'est-ce que tu devrais utiliser. Ouais. Puis finalement, au final, je pense que quasiment la moitié des boss challenge juste le combat, tu sais, vraiment ouais. le parry, puis les dodge. Ben c'est ça, sont quand même assez faciles. Je trouve que les personnages du Overworld, quand tu y penses, sont quasiment plus difficiles. Ouais, les Lynels sont. Les strength tests aussi qu'il y a dans les shrines où tu as des espèces de gardiens qui sont de plus en plus forts. Ouais. Entre autres, justement, parlons-en des gardiens. Il y a des gardiens dans le monde un peu partout. Ouais. Ils font peur en sacrifice. Ouais, quand tu vois un laser qui pointe, là, c'est « Oh boy, je suis dans la merde. » Ah ouais, t'es vraiment, t'es pas bien, là. Puis d'ailleurs, un des meilleurs poissons d'avril, c'était que ça disait que tu pouvais les contrôler maintenant. C'était un feature dans Zelda qui avait jamais fallait été. Fallait-tu pogner des dents de dragon, puis il y a du monde qui ont scrappé des items vraiment rares à essayer de faire ça. Là, mais tu sais, c'est ça, au final, tu peux pas les contrôler, puis ils sont quand même assez épeurants. C'est très là, difficile. C'est vraiment un bon challenge. Oui, je trouve ça. Mais moi, c'est ça, en fait. Je trouve que ce jeu-là a tellement d'ingrédients. Il y a tellement de features dans ce jeu-là que même si, tu sais, comme là, à soir, on parle des bémols, mais même avec ces bémols-là, tu sais, c'est quand même tout un jeu. Là. Ah non, c'est moi honnêtement, c'est des points faibles que j'accepte. C'est ouais. pour moi, moi, tu sais qu'on parle de bémols, justement, ouais. et tout, puis de performance, tu sais. Moi, mon plus gros bémol de jeu, en fait, il est vraiment plat parce que tu sais, je joue sur Wii U, puis bon, je comprends que c'est une console de génération passée et tout. Mais c'est vraiment le côté performance, tu sais, les performances ouais. techniques de la Wii U. Tu sais, d'un côté, c'est vraiment un jeu extraordinaire parce que tu te dis, waouh, ok, c'est dans le fond, ça roule sur de la techno de y a plusieurs générations parce que bon, la Wii U n'est pas nécessairement les mêmes capacités que la PS4. Ouais. Mais pourtant, le jeu est vraiment tu sais, très. Il n'y a rien à envier du tout d'un Uncharted et tout. Par contre, vraiment, c'est surprenant de la part de Nintendo, ça c'est mon plus gros bémol, d'avoir des problèmes des fois un peu de performance technique. Puis là, je sais qu'il est sorti une patch avant hier, je pense, qui améliorait un peu le framerate quand ça, il y avait certains des glitches, endroits. Là, des fois, là, ouais. Mais il y a quand même certains endroits dans le jeu où est-ce que, tu sais, bon, du moins la patch les corrige pas et tout. Puis, tu sais, il y a des endroits clés en fait. Surtout vers la fin. Ouais. Voir. C'est correct ce que je fais. Là. Ouais, faut juste que tu défasses tout. Là. C'est tabarnak. Vas-y. Mets-le au niveau du sol puis rentre dedans. C'est ça. Ah, et okay. Voilà. Mais ça, là où t'es rendu, ça, tu te découvres en fait les habiletés. Là. C'est ça. Fait oh shit. Là, ça, c'est un guard, petit mini guardian. Tu peux te protéger avec le bloc. Je vais le pousser en bas. Et ouais, c'est ça. Tu peux faire ça aussi. Tu peux faire tout ce que tu veux. Oups. Puis bref, en fait. Si ça serait juste des fois des baisses de framerate sur Wii U, ça serait correct. Mais le problème, c'est que justement, les Guardians, on le sait, là, c'est des ennemis qui sont vraiment difficiles. Puis à un moment, quand tu deviens bon, tu es capable de faire des parries sur leur tir de laser. Ouais. Puis quand le framerate, il drop beaucoup, ouais, j'imagine ça doit être. Ça devient vraiment difficile à faire. Il faut que tu t'anticipes et tout. Puis il faut que tu changes ton timing. Moi, ça m'a un peu rebuté. Je sais pas sur Switch, c'est comment. Sur Switch, ça arrive, il y a des drops de frame, puis des fois, justement, t'arrives pour frapper un ennemi, puis là, tu vois ton personnage comme si c'était un GIF, là, genre en quatre images. T'sais. Ouais. Puis tu sais qu'il fait, qu'il réussit, mais ça m'est arrivé de perdre c'est ça. À ce moment-là. Ça, c'est dommage. Ça fait un peu genre pointilleux de chialer là-dessus. Oui. Mais c'est juste que c'est un jeu qui est tellement poliché, là, je veux dire, c'est beau, c'est parfait et tout, que malheureusement, des fois, tu arrives à ces moments-là, puis c'est un peu, ça te frappe plus. C'est vrai. Le contraste est plus dur. Ah ouais. Dom était si près, on voyait que tu comprenais quoi faire, mais t'es comme. Tu sais, t'étais comme un peu comme un enfant en train de développer sa motricité. Ah, tu sais ce que tu veux faire, mais t'es pas capable. C'est juste ça. Ah. Tu mais peux utiliser les flèches de ton. Ouais, pour le rapprocher de toi, si tu veux. Ouais, comme ça. Ok. Mais là, si tu lèves. En fait, le stick le lève en hauteur. Puis, ouais, c'est ça. Là, tu peux te mettre un angle, ouais, c'est ouais. ça. Mais là, ça va te lâcher sa tête, puis ouais, ça va pas faire. Tu veux le tourner sur lui-même. Faut que tu tournes toi-même, malheureusement. Ouais, c'est là que ça devient plus compliqué. Mais c'est ça, moi, j'ai. Ouais. En fait, moi, c'est ça, mais. Mes plus gros bémols pour Breath of the Wild, moi, c'est vraiment, ben, c'est un manque de personnalité à certains endroits. Moi, l'histoire, je dois avouer, je sais que ça me fonctionne pour beaucoup de monde, mais pour moi, ça fonctionne pas pantoute. Je me sac de l'histoire à cause qu'il faut que tu ailles chercher l'histoire. Puis oui, quand tu découvres les souvenirs, c'est intéressant, mais tu peux découvrir un souvenir à ta deuxième heure, puis le prochain, tu peux le découvrir, genre, à ta 32e heure. Ce qui fait que tu t'en fous de l'histoire, puis... Quand je regardais le trailer au lancement, je m'étais dit comme épique. Hey, ça va être épique. Ouais. Non, cette épicness-là est complètement diluée tout au long du jeu. Donc, ça reste un jeu qui est vraiment bon, mais c'est tellement long, c'est tellement lent, puis les souvenirs, c'est tellement une formule. Tu peux monter. Qui n'ont pas eu le choix de faire, en fait, parce que la c'est façon la structure que c'est du fait. Jeu, c'est ça. La structure du jeu l'oblige quand même. Là. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus. Moi je retirais sur mon deuxième bémol. Tu sais, on a fait beaucoup. Tout le monde a fait un peu un plat avec le fait que c'était le premier Zelda avec des doublages dedans. Tu sais, avec des vraies personnes qui parlaient et tout. Moi, j'aime ça. Ben oui, mais toi, tu joues en français. Oui, je joue d'ailleurs, en français. D'ailleurs, chapeau à la version française du jeu. Mais c'est vraiment. Il paraît un excellent. Moi, je l'ai pas joué en français parce c'est que très ma bon. Console est en anglais. Puis je suis tellement large pour aller changer ça. Mais j'aurais dû. Parce que la version anglaise est vraiment... Le doublage, le voice acting est vraiment pas bon. Ouais. C'est un voice acting ordinaire. Puis là, tu te dis, tu sais, c'est Nintendo, c'est Zelda, c'est la première franchise que tout le monde attend qu'il y ait du voice acting. Puis là, t'as comme Zelda qui a l'air... Tu sais, ça a l'air d'être une espèce de mère avec quatre enfants au centre d'achat un samedi après-midi, genre épuisée de la vie. Link! Elle a épuisé, elle a tanné, là, tu sais, je sais pas, je comprends pas, tu sais, d'un coup, je pensais que c'était dans les trailers, justement, que c'était parce qu'il y avait des grosses émotions et tout, ouais. Mais c'est vraiment un peu déconnecté, puis ça ouais. m'a un peu surpris, tu sais, encore une fois, je m'attendais à plus de réalisation, peut-être, là-dessus, puis tu sais, je suis vraiment le premier à me foutre un peu du soir des jeux, justement, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment un petit bémol. Ben c'est que moi dans Zelda jusqu'à date, tu sais, ça reste quand même un RPG. Oh ouais. Fait que tu sais, l'histoire est quand même la plupart du temps, d'habitude, très très importante. Puis là-dedans, tu sais, tu prends des brides à gauche puis à droite de personnages que tu rencontres, tout ça dans les villages que tu vas découvrir. Puis ils vont te dire des affaires, ça va te passer un peu par-dessus la tête. Il y en a qui vont avoir des personnalités, mais tu t'en fous un peu. Il y a le petit vendeur qui passe comme « Oh, il est drôle, il est cocasse. » Mais en même temps, tu t'en sacs un peu. C'est sûr que c'est difficile de dire te lier d'amitié avec un personnage dans un jeu, mais dans les RPG, ça existe. Ouais. Dans les RPG, tu vas avoir des personnages que tu vas vouloir qu'ils restent en vie. Ça ne te tente pas qu'ils crèvent, ça ne te tente pas qu'ils partent. Dans Breath of the Wild, je m'en sac si tout le monde autour de moi meurt. J'ai pas d'attache par rapport à aucun de ces personnages-là. Tout le supporting cast, finalement, est absolument secondaire. Ouais, exact. Il n'y a pas beaucoup de personnages. Puis tu sais, ça va quand même arriver, tu sais, des endroits où tu as des quêtes secondaires, puis là, tu as des petits personnages, ils sont wacky, c'est le fun, tu sais. Mais tu vas avoir ce petit moment-là, cette petite bulle-là, à quelque part, puis elle va partir. Puis tu sais, c'est peut-être un peu ça, moi, personnellement, que je reproche aux jeux, c'est d'avoir plein de petites expériences comme ça, éphémères. Tu sais, c'est comme des bite-size experience à cause que c'est fait un peu, justement, avec le minding on the go des petites séances. Puis en même temps, tu sais, c'est un jeu que tu vas jouer pendant 300 heures. Fait que c'est un peu absurde aussi de le voir comme ça. Mais tu sais, c'est... Moi, je trouve justement, tu sais, les autres Zelda qu'on a joué auparavant avaient énormément de personnalité, avaient des histoires fortes et réussies. Puis celui-là... En fait, c'est vraiment... Au début, on te met sur un chemin avec le vieillard, puis après ça, ben... C'est vraiment le monde, en fait, on dirait, qui prend toute la place exact. Dans le jeu. Tu sais, Link, même dans son backstory, finalement, tu sais, on se rend compte que... C'est Zelda qui est un peu le personnage le plus important. Ouais. Qui vit un peu l'espèce de conflit intérieur entre qu'est-ce qu'elle doit devenir, mais qu'est-ce qu'elle veut être. Ouais, exact. T'sais, Link, finalement, c'est un peu comme un vase. Ouais, c'est vrai. Link, c'est vide. L'exécutant. C'est ça, il fait juste comme... Ouais. Le patte est clair. Ah, puis il dit toujours rien encore là. Tu sais, il fait même plus de bruit. Et ça, c'est une autre affaire. Link, moi je trouvais qu'il était un petit peu plus brutal dans Skyward Sword au niveau de ses grognements quand il se battait. Ah, je m'en souviens plus de ça. Ah, il fait, tu le réécoutes, admettons, du gameplay là, sur YouTube. Dans Skyward Sword, là, tu l'entends, là, même dans version américaine, même là, il est comme à la japonaise, il est comme. T'sais, il est vraiment comme. Il y a le goût de se battre, ouais. Là-dedans, tu sens pas ce côté-là, tu sais, mais... il était un peu soft, mais... Mais j'aime beaucoup le fait que... En fait, justement, le fait que Link soit rien, en fait, ça devient vraiment qu'est-ce que tu veux. Tu sais, moi, j'ai débloqué l'armure des Sheikah au début, qui était l'armure stealth et tout, puis j'ai juste tout investi mon jeu là-dedans, tu sais, Sheikah. Ouais. Moi, tous les challenges que je peux arriver dans le dos de quelqu'un puis le snapper avec un bâton, là, moi, je suis comme, c'est ça que je fais. Tu me casses pas la tête. Sur ta personnalité. C'est ça. Moi, je suis backstabé puis gagner vite. Yes! Revendeur. Et risselleux de merde. Mais en fait, je trouve ça le fun, justement, tu sais, que bon, on te permettait d'être quand même assez différent dans ce que tu sais. Ouais. Dans le look de ton Link, aussi dans tes stats que tu as amené et tout. Ça, c'était le fun. Ben, c'est de même que tu y amènes ta personnalité parce que tu peux pas y donner un nouveau nom non plus. T'sais. Tu peux pas l'appeler autre chose que c'est Link. C'est même être un transgenre. Ouais. Spoiler. Hey, c'est-tu assez moderne? C'est moderne, ça. Caroline. J'adore. C'est fantastique. Si Link se fera pas détruire sa vitrine dans Hochelaga. C'est moderne. Mais c'est ça, tu sais... autant, tu sais, comme quand je disais tantôt, tu sais, qu'il n'y a pas de personnalité pour certains de ces personnages-là, les moments où tu vas aller justement dans des gros donjons, dans ces grosses bêtes-là, là, tu vas en rencontrer des personnages qui sont vraiment cool. Donc, ces moments-là, moi, c'est mes moments forts, vraiment, de Breath of the Wild, où justement, je vais m'en rappeler. Puis, je sais pas, je pense que j'aurais aimé ça y jouer d'une façon ou d'une autre. C'est la façon, genre, ouais. OK, j'ai 400 heures ou OK, j'ai 50 heures, tu sais. Ouais, ben, en fait, c'est au niveau rejouabilité, c'est là que je sais pas à quel point... Moi, je rejouerai jamais quand je vais avoir fini. C'est que, tu sais, t'as des jeux comme Skyrim où est-ce que, tu peux faire vraiment un personnage d'un genre, puis après ça, recommencer le jeu avec un personnage d'un autre genre, puis le jeu va être complètement différent. Mais tu sais, dans Zelda, c'est plus une question de, hey, il y a vraiment comme 1000 heures de contenu, fait que tu peux le burning tout de suite d'une traite ou de plusieurs petites traites. Exact. Tu sais, il n'y a pas vraiment d'incitatif à revenir pour faire les choses différemment parce qu'au final, ça donne un peu le même résultat. T'sais. Mais moi, j'ai pas, tu sais, comme là, j'ai pas découvert tout le monde. Puis je pense qu'une fois que je vais avoir découvert toute la map, j'aurais plus le goût de jouer. Ouais. J'ai comme peur de ça. Tu sais, j'ai comme pas le goût d'avoir tout découvert. Fait que j'y vais comme... tranquillement. Tu sais, comme là, présentement, j'essaie juste d'améliorer ma méthode de combat. Parce que le combat est quand même... Il est deep, le système de combat. Tu sais. Si tu décides de vraiment t'investir, là, tu peux devenir un vrai pro, même avec un bâton. Tu sais, puis ça, c'est le fun. Ça te donne d'ailleurs tes impressions sur le combat du bâton. Ouais, hein, combat à coup de batte. M'allumer un club, tu sais. Un bat, ça demande avec ça. Ça m'a plu, ça. Des armes en feu, ça te fait pousser le poil sur le chest. Mais ça fait combien de temps là, qu'on parle de ça? Ça fait, faudrait rapper ça. On va rapper ça. Ça fait genre une heure. Ça fait 40 minutes au moins, je pense, que tu joues. Fait que... Bon. Wow. Ça a passé vite. Quand même. Non, mais j'ai aimé ça. Mais c'est ça, t'as eu du fun. Le temps passe. Ouais. Ben, j'imagine que le bout que j'ai fait, c'est le... C'est... En fait, c'est drôle de le voir aller parce que c'est vrai que tu te rends compte que tu sais, Zelda avant c'était très comme binaire. Tu sais, c'est un puzzle. On savait exactement ce que tu résous. Là, on t'a regardé aller puis t'étais vraiment tout croche. Ouais, ça marchait. C'est correct. Mais ça marchait à tout faire ça. Ouais. Mais tu vois que t'as une bonne progression aussi. Moi, je me voyais comme ça au début. Puis là, à cette heure, je suis rendu beaucoup meilleur que ça avec à peu près les mêmes habiletés. Ah ouais. Ouais, non, c'est vraiment. Connais pas les pitons. Mais c'est ça, tu commences. Ah, ça, c'est mon dernière affaire. Les pitons de la Wii U. Ouais. Tu sais, on a discuté un peu pendant la pause, mais c'est le stick est par-dessus les boutons, alors que toutes les autres consoles, le stick est en dessous, ce qui fait que ton réflexe est d'aller comme en haut quand tu bouges la caméra. Puis là, je suis toujours tout croche. Puis au début, en tout cas, il y a une bonne heure à. Très habitué d'aller chercher. C'est vrai, ton... hein? Mais vous êtes sur Switch, fait que c'est pas le stick est revenu à on bonne on n'a pas eu le problème. Ça aurait été bien d'avoir un contrôle sur le mapping des boutons, comme ça éviterait de lancer des armes tout le temps quand tu veux pas lancer des armes. Exactement. Mais bon, tu finis par t'habituer, je pense. Mm. Mais sérieusement, moi je pense, tu sais, pour avoir parlé à plusieurs personnes qui ont joué sur Wii U, c'est un jeu qui. Ça vaut la peine de s'acheter une Switch pour ce jeu-là, parce que. Ça peut devenir aussi ton jeu, tu sais, comme moi, c'est mon jeu, genre, qui est là, qui est tout le temps là. Ouais. Fait que j'ai d'autres choses, je joue à plein d'affaires, mais ça, j'y reviens tout le temps, puis c'est un jeu que tu vas finir dans un méchant bout, tu sais, t'es mieux de... Étire-le, c'est ça, puis... Je vois du monde finir ça, tu sais, en une semaine, là, finissez-le pas de suite! C'est ça qui est le fun. Ben, en plus, j'ai battu le boss, j'ai fait 13% du jeu, ben là, il t'en manque un méchant bout. Ouais, c'est ça. Tu peux y aller le faire, juste faire les quêtes principales, puis... C'est correct, mais sinon tu peux le faire aussi à la GTA puis t'explores tout ce que tu peux faire dans le monde. Là. Non, c'est ça. Puis tu sais, là, on en a parlé pendant 40 minutes, mais on aurait pu en parler pendant 10 heures, le jeu-là. C'est justement, ça qui était incroyable. on défonce! Aïe, arrête. On va achever d'homme. On va mourir. Il va tomber dans les marches avec son S. J'ai hâte qu'on ait fini d'en parler de la Switch. On n'a pas fini de parler de la Switch. Non, pas de la Switch. Zelda, ça va être fait. On devra finir Zelda. D'ailleurs, sur Internet présentement. Ouais, exact. Le meilleur argument de vente pour la Switch, c'est genre, moi, j'aurais passé sûrement 10 heures de plus à Zelda si j'avais pu jouer en faisant caca. Oui, totalement. Ouais, c'est vrai. Des longues runs, là. Tu sais, dimanche matin, là, quand t'es revenu d'Arcane Montréal, là. Ouais, dans les toilettes. Je me lève tout de suite, le style, que j'aille, on aille chercher les enfants. Niaisage, mon gars. Faut tout que t'oublies tes mots de la vie. Tu passes à la prochaine vitesse. T'as un poker face, pis tu souffres en dedans. Ah ouais, tellement. Si tu me voyais dans les modules de jeu, pas de patrouille. Au cachalot. Au cachalot. Hangover, mon gars. Vomir dans les toilettes du cachalot. De l'intérieur. Vomir dans les toilettes du cachalot, c'est comme un autre next step dans la vie, ça. Tabarnouche. Cacher ta vie de bord à tes enfants. Hey, on va donner notre note. Yes. Yes. Fait qu'on donne un 9.5 sur 10 à Breath of the Wild. C'est vraiment c'est grandiose. Un bon grandiose. Jeu. C'est un chef-d'œuvre. C'est presque parfait. Oui, c'est presque parfait. C'est aussi bon que Jamestown, mais tu sais, ça s'en vient. All right, donc... Ouais, désolé pour le petit trouble technique. Oui, hein? On a comme coupé l'épisode en deux. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais le remettre monté comme du monde sur Facebook. Là. Sinon, YouTube directement, il va être monté en HD. Devrait pas arriver. Je vais corriger ça. Il n'y a pas eu de pub aussi entre les deux. Là. Ben, j'en ai remis dans le... un petit peu de pub. C'est parce que j'ai comme planté quand on a parti à la pub. Ouais, c'est ça. C'est là, j'ai reparti ses pubs, la partie 2 en tout cas. On s'est arrangé que ça arrive plus. Tout un aria en tout cas. Non, mais prochain coup, si jamais ça plante, ça va repartir sur le même stream. J'avais comme un 5 minutes pour partir, j'ai pas été assez vite. Ça a coupé le stream. Malheureusement, des affaires qui arrivent. Ça qui arrive quand t'as une overdose de Doritos, man. C'est exactement ça. Prends-en. On rappelle les gens de merci à tous les Patreons. On vous rappelle qu'on a un pré-show qui est là pour vous autres. On a bien du fun. On a fait des belles découvertes Game Boy aujourd'hui en passant. Mais hein? Ceux que ça intéresse, là. Game et ça devrait Dirty Racing. Ouais. Oui. Hey, Dirty Racing, hein, c'était ça. On sait pas trop c'est quoi le titre, mais en tout cas, il y a de la course puis c'est crotté. Parlez-en pas trop, là. C'est juste pour les Patreons. Non, c'est ça. C'est juste pour les Patreons. Les petits bijoux. Les petits bijoux. On a aussi la boutique Society6/Yoink pour tout le merch rétro nouveau. Allez vous acheter une belle affiche là, de notre belle illustration. Ben oui, c'est cute, rare ça. Absolument. C'est beau. Puis aussi, évidemment, écoutez-nous sur RZO, une plateforme entièrement occupée par Jean-François Cron. Exact. RZWeb.com pour plus de 100 podcasts québécois francophones. Ouais, on découvre des affaires là-dessus, c'est le fun. Il en sort à chaque semaine. Parce que chercher un podcast sur iTunes, c'est pas évident en tabarnouche. Ah, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ouais. Mais tout est là, tout est là. Oh, et tout est là. La technique Jack of all trades. Mais sur RZO, au moins, tu peux découvrir du stock par catégorie. Ça va très bien. C'est très bien fait. Podcast de pêche, podcast de sexe, de hockey. Ouais, ah non, pas de pêche. De pêche, je n'ai pas vu. Tout le reste, oui. En faire un. Des chars. Affaire publique. Super Black Bass de le podcast. Ça serait bon. Fait que c'est ça. Suivez-nous. Facebook, Twitter. Instagram, peut-être. Là, ça a l'air qu'on peut le faire facilement. Fait oh, quand même. Marquer là-dessus. Caline, ça n'a pas de bon sens. Snapchat aussi. Eh oui, Snapchat. Je ne vois pas comment ça marche. J'en ai même effacé de mon téléphone. Ah, peut-être que je le gère. Ça suffit. Trop vieux. Vous pouvez, également nous écrire des beaux courriels, des beaux messages. On peut vous lire en onde. Vous envoyez ça à info@retronouveau.ca. Si vous ne vous souvenez plus de l'adresse, allez à retronouveau.ca. Vous pouvez voir nos archives, tout le stock qu'on a fait auparavant. On a fait des niaiseries en masse. Pas mal, ouais. Ouais. Vraiment longtemps. C'est pas mal ça. Partagez, commentez avec nous. On est très réactifs aux messages. C'est ça qui est écrit sur Facebook. D'après Facebook, on est très réactifs. L'algorithme dit que c'était bon. L'algorithme dit qu'on est correct. On espère que vous avez apprécié la première présence de Monsieur Gémus. Ben oui! Très volubile sur Zelda. Très volubile. Oui, c'est. Fallait que ça comble. Tu vois que le gars, il avait un site. Ce gars-là avait un site. Allez sur Alta Vista, là, puis allez visiter. Ouais, exact. Hey, attends un peu, là. Moi, c'était la qualité, c'était 8M.com. Oh my god. Dans les annales du early Internet, là. C'est pas GeoCities, là. Ouais, c'est ça. Gauche au-dessus. Un point com, on a même pas un point com, nous autres. Non, on est comme la tabarnouche. Des paysans de l'internet. Il est big, lui. Hey, parlant de monde big, là, vous autres, vous avez vos full set nest. Wow. Vous êtes sûr? Ça, pas mal fini. Ah, tout ça, c'est full set, là. Ah, c'est touché, là. Toute la grosse. Parce que moi, j'ai entendu dire que deux gars qui ont un full set nest qui se font un high five, c'est génial. Si vous avez pas votre full set nest, par exemple, et que vous faites un high five, ça va être grave. Non, mais c'est extraordinaire. Ça met des femmes enceintes, ça, là. C'est extraordinaire. Clair. Check ça. On va te montrer que ça marche. Vas-y. Yes! EA Sports. It's in the game.